se réveiller avec le nouveau Rihanna, ça fait plaisir. Cheers à l'instant sur Fun Radio à 6h22. Bonjour tout le monde et puis bon réveil. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 ce matin, comme chaque matinée d'ailleurs. Et c'était le warm-up là pendant les 20 premières minutes de l'émission, les meilleurs moments du jour précédent. En tout cas, ce qu'on a réussi à trouver. C'est un beau ça au final. Hein. Oui, c'est difficile. Bah oui, je sais, chaque parce jour est vraiment très nul en fait. Ah, chaque jour c'est compliqué. Alors oh je ne vous dis pas quand il faut faire le replay du week-end. Alors là, là c'est carrément la ah bah là, c'est-à-dire que samedi et dimanche, là, faut se le coltiner, hein, je vous le dis moi. Donc ah voilà, ouais, le meilleur, les meilleurs moments de l'émission, c'est tous les samedis et dimanches, 7h-10h sur Fun Radio. Samedi et dimanche, tous les week-ends, on est là également avec vous en pleine forme. Comment va Julie? Je vais très très bien. En tout cas, je te remercie pas. Hein. Oui, oui, il m'a demandé des chiffres d'euros-millions. J'avais dit que je ne jouerais plus. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais jouer 2 euros avec Julie, elle va me porter chance. Rien. Pas un seul chiffre est sorti. Bah ouais, oui, mais le gros lot n'est pas tombé non plus. Hein, ouais, ouais, mais pas un seul chiffre. C'est ça, qui en est fait, sorti. Tu vois, je laisse juste un peu durer le suspense. Ouais. Et puis, tu vois, comme ça, tu gagnes une super grosse cagnotte, quoi. Bah, t'auras pas dû. J'ai déjà entendu ce discours quelque part. Bah, tiens, c'est bizarre. Hein. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, mais je sais plus. Ouais, bah, je sais pas. Je suis peut-être pas. Peut-être l'élève dépasse son maître, c'est ça, peut-être. Ouais, oui, il doit peut-être y avoir de ça. Effectivement. Bon, toi Fabien, il a bien dormi aussi? Écoute, non, il a très mal dormi, mais... Encore? Mais tu ne fais que mal dormir? Non, bah ouais, c'est... Enfin, les nuits sont très courtes en ce moment. Ah, ah oui, oui, ça... Ça, oui. Ça bon. C'est parce qu'il va à gauche, il va à droite, ouais, il, non, va, mais... il va butiner... Mais tout à fait, j'ai passé la nuit avec Christian Audigier, c'était vachement sympa. Ah bah écoute, tant mieux. Et alors quoi, bonne rencontre? À 250 millions de dollars qu'il vaut, oui, c'est une bonne rencontre. Ça doit quand même faire assez mal de savoir que le gars en face de toi, il a juste une fortune... C'est ça. En fait, moi, je l'ai vu. Et toi, t'es là en train de bosser la nuit parce que tu dois le rencontrer pour te payer à bouffer, quoi. Ouais, mais le pire, c'est que quand je l'ai rencontré, j'imaginais son compte en banque avec marqué 250 millions. Non, ouais, non. Tu te dis, oh là là, il me filerait 10 000 dollars qui verrait même pas la différence. Le gars a bossé pour en arriver là. Hein. Oui, il s'est fait tout peut-être. Seul, quoi. Ouais, bah, pour peut-être. Ça, c'est impressionnant. Mais voilà, mais c'est juste que tu te dis que ça ferait plaisir sur ton compte, quoi. Une petite partie, pas grand chose. Rappelons à ceux qui ne le savent pas qu'il est à la tête d'une marque de fringues. Voilà, mais il a revendu la moitié. Mais enfin, bon, après, c'est un autre problème. Il vit aux États-Unis et il vit très, très confortablement. Ah, il est bien. Très pote avec Johnny Hallyday. Ah ouais, ouais, il vit très bien, t'inquiète pas. Johnny Hallyday et tous les autres. Oui. Il a aussi parlé de Michael Jackson, etc. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et une bonne journée hier sous le soleil. Sachez que devrait normalement se poursuivre cette semaine sous le soleil. On en parlera dans un instant avec Julie. Nous aurons également la ligne anti-relou comme chaque matinée. Ce sera 7h-15, 8h-15 et 9h-15. Nous rembourserons vos factures également. Ce matin, on va faire une spéciale téléphone. Ah ouais. On rembourse les factures téléphone ce matin. Ah oui, d'accord. Donc si vous avez une facture téléphone salée ou pas salée, peu importe, vous nous l'envoyez 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Faites péter les factures de téléphone Proximus, Mobistar, Base, n'importe quoi, Mobile Vikings, LORTL, enfin bref, n'importe quelle facture. On vous les rembourse ce matin. 6322, débutez votre message par facture. Et ce matin, on a également des places pour le parc Astérix, des appareils photo numériques Samsung, des micro-chaînes Philips, des télévisions LCD également à vous filer, ou alors des consoles Nintendo Wii avec le jeu Wii Sports, le jeu Wii Sport Resort, plus la télécommande Wii Plus noir et un nunchuk noir. C'est pas facile à dire tout ça. Voilà, c'est à gagner si vous avez la réponse. Bon, pas tout, hein, vous choisirez un des trucs. Hein. Si vous avez c'est la pas réponse. Un package. Ah non, c'est pas comment un package. Ça, quoi. Si vous avez la réponse à l'énigme qui colle, attention, écoutez bien. Signe habituel de réconciliation, pour Judas il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message. Et tout ce qui a gagné, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter 100 fois non plus. On peut aussi le pratiquer, de préférence en sortant couvert. Oui, surtout voilà. Que j'en ai parlé. Toff le pratique très souvent d'ailleurs. Non, trop souvent. Toff aimerait le pratiquer, mais Toff, n'y arrive pas. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que tu ne veux pas de moi, Julie? D'autres indices après l'info. On aurait pris. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Sarah qui arrive. Oh, j'aimerais bien pratiquer avec Sarah également. Oh bon, ne fût-ce qu'une fois, tu vois. Oui, bah écoute, hein, c'est ton avis. Ah bah écoute, bah oui, t'inquiète pas. Hein. C'est un petit peu moins le mien, évidemment. Ouais, je me doute. Sarah et Shaggy dans un instant. Champagne sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. 6h27 sur Fun Radio, bon réveil avec nous. Je vous rappelle encore une fois, parce que il y en a quelques-uns qui effectivement sont dans le bon, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, je vous répète la petite énigme qui colle. Alors comme je l'ai dit, donc appareil photo numérique Samsung est gagné, ou alors une micro chaîne Philips, ou alors une télévision LCD, ou alors une console Nintendo avec plein de manettes et accessoires et jeux. Voilà, comme ça je ne dois pas tout répéter à chaque fois. Signe habituel de réconciliation, pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il ? J'avais donné des indices, on proposait l'amour, non pas du tout. Un bisou, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Et on est faire vraiment, l'amour. Vraiment pas loin. Ouais, vraiment pas loin, ouais. Et alors faire l'amour, non, c'est plutôt la version crade. Oui, la version one shot. Ouais, non, la version one shot. Oui, oui. Bah c'est ça, c'est la version one shot. Oui. Crade, tout de suite, non, voilà, tout de suite les grands mots. C'est la version vulgaire. Oui, voilà, c'est plutôt ça que je dirais. C'est la version vulgaire de l'acte, voilà. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Signe habituel de réconciliation, pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il ? Allez, bonne réponse, bonne chance tout le monde. L'info à 6h28, c'est avec Julie. Salut à tous, ce blocage toujours chez JSK. Syndicats et direction n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir. Les ouvriers de l'entreprise réclament une revalorisation salariale. Ils se croisent les bras toujours aujourd'hui chez JSK Wavre, Eric Sansard. Vous avez toujours rêvé d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence en plein bouchon? Ah ouais, eh bien, grave. C'est bientôt possible en Flandre. La région flamande va autoriser pour la première fois l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence sur le 313 Anvers-Liège lors des heures de pointe afin de fluidifier le trafic. Grâce à une signalisation adaptée, la bande d'arrêt d'urgence sera ouverte au trafic quittant Anvers à partir de 15h. C'est un système qui existe déjà aux Pays-Bas. Le Centre flamand pour la circulation estime que les files peuvent ainsi être réduites d'un quart. L'aménagement de ce tronçon d'autoroute a coûté au total 6,7 millions d'euros et a pris plusieurs mois. Et les billets d'avion coûteront plus cher en Europe dès 2012, de 2 à 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour transatlantique. Objectif, aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique imposé par l'Union européenne dans son espace aérien. Ah oui, ils ont tellement pas d'argent, les pauvres. Les compagnies aériennes desservant l'Union européenne seront donc contraintes à partir de 2012 de payer un dédommagement pour 15% de leur émission de CO2 sur le trajet. La décision d'imputer ce surcoût sur le prix des billets appartient au final à la compagnie. En politique, le formateur Elio Di Rupo et Yves Le Terme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Et puis ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et communautés. Les FDF demandent à être reconnus comme groupe au Parlement bruxellois et les formations francophones du Parlement bruxellois sont disposées à donner leur feu vert à la demande des FDF. Cette reconnaissance est indispensable pour disposer du droit de vote en commission. Elle permet également à une formation de disposer de moyens financiers pour fonctionner dans une assemblée. Pour rappel, les FDF ont divorcé avec le MR dimanche dernier. Et puis en France, une fillette de 10 ans est morte hier midi dans une école de Charente et des suites d'un coup reçu au thorax après une bousculade dans la file de la cantine. La petite fille a reçu un coup de pied au thorax porté par un autre enfant, un garçon de 9 ans, à la suite, semble-t-il, d'une bousculade dont il aurait été responsable. Elle serait ensuite effondrée au sol. Le jeune garçon était entendu par la police hier après-midi. Et puis enfin, en sport, des Belges mouillaient leur maillot sur la pelouse d'un terrain de football hier. Je sens que ça va être dur ce matin. En phase... Pardon ? Je sens que ça va être dur ce matin. Oui, là, c'est un petit peu difficile. Mais bon, c'est... Bah, en bref, bah, il y a eu du football hier. Hein. En bref, en phase de groupe de Ligue des Champions. Allez, fouteux, là hein, vous voilà, avez chié encore avec votre foot pourri. Et puis si on veut parler un petit peu de Ligue des Champions, autant parler des Belges qui étaient sur le terrain. Les joueurs belges Van Buyten et compagnie s'affrontaient donc hier lors du choc entre Manchester City et le Bayern Munich. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est le Bayern qui l'a remporté 2-0. Oui, et d'ailleurs le Standard va être éliminé de la Champions League là. Enfin oui, normalement oui, le Standard féminin. Ils ont perdu en 16e de finale. Standard féminin qui s'est incliné face aux Danoises. C'était pour mettre un petit coup de pression au Standard men. Oui, enfin bon, le Standard féminin n'a rien à voir avec. Ah non, je sais, non, mais c'était parce que j'avais pas précisé féminin. Ah oui, comme ça, tout d'un coup, tu voulais faire peur. Quoi. Voilà, et je signale aussi le Benfica a gagné, et le Real aussi. Voilà. Oui, bien sûr, mais j'ai pas le temps de tout dire. Mais heureusement que tu es là pour le faire. Bah oui, tout à fait. Allez, 6h32, la météo maintenant avec July. Alors, Non. En détail, c'est un vaste anticyclone centré sur la Pologne qui déterminera favorablement le temps sur le territoire. Enfin, en bref, il va faire canon jusqu'à 25 degrés. Et pour le reste de la semaine, c'est toujours le soleil qui domine. Magnifique, exceptionnel. Je vais encore faire un tour à vélo aujourd'hui. Oui, tu as vraiment ça à faire. Et oui, le deuxième. T'as vu c'est un petit incroyable. Peu. Je vais devenir beau grand fort pour l'hiver. Oui. Et musclé, tu vas on voir. Attend de voir. Oui, oui, mais tu verras. Tout est, permettre. Tout est vu. 6h32 sur Fun Radio. Nous allons passer maintenant. Fun Radio. Fun Radio. À l'info en plus. Alors, une info en plus spécialement choisie pour toi, Mickaël. Ah, sur le sais-tu sur de le quoi je vais. Non, pas du tout, mais un petit comment peu. Comment bien t'épiler les mollets. Ah, cool. Non, mais c'est un petit peu aussi ce qui t'intéresse, ce qui te fait battre ton cœur chaque jour. Dis-moi, l'argent. Voilà. Ah, exactement. Bah, et bien, voilà, attends, je coupe la musique pour bien entendre. Tu te rappelles qu'on avait parlé de la fameuse cagnotte des 162 millions d'euros et des poussières. Oui. T'inquiète pas, je m'en souviens comme si c'était hier. Qui avait été gagnée par un joueur du Galvados, donc en France. Eh bien, où est passé ce gagnant? Mais en fait, c'est moi. J'essayais de faire péter le suspense non, un petit ce peu. Ce n'est pas toi, en tout cas. Mais deux semaines plus tard, l'inconnu n'est toujours pas venu chercher sa non, super cagnotte. C'est quand même incroyable. Le mec, il gagne 160 millions d'euros et il ne va pas chercher l'argent. Voilà, et il dispose de 60 jours. Hein. Donc, c'était le 13 septembre qu'il avait gagné. Donc, il en est déjà à deux semaines. Il n'a toujours pas réclamé son gain. Et l'inconnu, qui a donc gagné plus de 162 millions d'euros, je le rappelle juste pour qu'on se fasse un petit peu plus de mal, eh bien, il est quand même à la 250e place des plus grosses fortunes françaises. Enfin, quand il aura encaissé son chèque. Et puis, juste pour se faire encore un petit peu plus mal, le record absolu des gains de l'euro million, c'était 185 millions d'euros qui avaient été remportés par un British, par un couple d'Écossais au voilà. Royaume-Uni. Des buveurs de thé. Oui, et qui les a quand même classés. On les boit de la bière là-bas, le thé. Ouais, ouais, c'est vrai, l'Écosse, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis emballé. Comme quoi, l'euro million, c'est quand même dingue. Tu claques des doigts et tu gagnes des sommes incroyables. Ouais, ce ouais. couple d'Écossais qui avait gagné 185 millions d'euros, eh bien, ils sont maintenant parmi les 430 plus grandes fortunes britanniques. Ils devancent quand même Ringo Starr, le batteur. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais cela dit, c'est peut-être une enfume de la Française des Jeux, hein, c'est la loterie nationale en France. Ouais. Ils ont peut-être, tu sais, genre pour pas arrêter de faire monter l'euro million, ils ont peut-être fait un faux gagnant et là, oh mon dieu, il ne vient pas pour donner envie encore plus aux gens de dire, mais merde, c'est pas possible quand mais même. Moi aussi, je vais jouer, je vais chercher mon pognon, tu vas voir. Je crois que c'est quand même assez surveillé ce genre de choses. Ouais, bah peut-être, mais. Je pense, je vais partir à ça. Mais oui, oui mais je mais vais aller le retrouver. Très bien. Bon, on va essayer de le retrouver là d'ici un petit quart d'heure avec Toff. Avec oui, bon, allez, Sarah et Shaggy, on va écouter Champagne maintenant et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle. Signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. On disait un baiser avec la langue. Pourquoi toujours en faire trop dans les réponses? Parce que Judas et Jésus, je suis pas certaine qu'ils soient fait un baiser avec la langue. Enfin bon, c'est ça, on disait le sang également. Non, pas du tout. Rouler une pelle, ce n'est pas la bonne réponse également. Donc si vous avez la bonne réponse, bah allez-y, hein, 63-22, c'est 1 euro le message. Il y a donc, comme je le disais, des appareils photo numériques Samsung à gagner, des micro-chaînes Philips, des télévisions LCD ou alors des consoles Nintendo Wii avec des jeux Wii Sports, télécommande et nunchuck noir à gagner maintenant. 63-22, si vous avez la bonne réponse. Sarah et Shaggy, voilà, je vous l'avais promis, on l'écoute maintenant. Champagne sur Fun Radio. Donc petit indice, on avait dit qu'effectivement c'était un petit peu la version vulgaire de faire l'amour. Voilà. Voilà. Quelle belle réponse qui vient d'arriver par SMS. Il y a Sarah et Shaggy à l'instant et donc la réponse par rapport à l'énigme qui colle. Signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signé de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Myriam propose le coït. Ouais, ah oui, mal. Bah oui. Tout à fait. C'est pas mal. Nous savons que Jésus et Judas ont eu un coït. Tout à fait, tout à fait. Myriam connu. C'est une mauvaise réponse. Le coït de Judas. Mais ah oui, non, mais c'est une autorité publique. Mais bien sûr, le plaisir n'étant pas la bonne réponse non plus. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, allez-y. Anthony Demons qui dit Mickaël, trop deck, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je sais plus t'écouter. Ah bah oui, ça c'est con, effectivement. Et surtout que du coup, tu pourras pas participer pour repartir peut-être avec un appareil photo numérique, une micro-chaîne Philips, une télévision LCD ou encore une console Nintendo Wii avec tous les jeux qui vont avec une nunchuck noire et une télécommande Wii Plus noire également à vous filer. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? C'est l'acte sexuel avec le mot entre guillemets un peu vulgaire. Oui, et voilà. Tu peux dire aussi. Merci Julie. Je t'en prie. Voilà, mais écoute, il n'y a pas de problème. On peut également le souffler. Comme là par exemple pour en faire un Julie. Mais bien sûr, je le reprends, évidemment. J'allais dire, je viens de l'éviter, là, je viens de faire. Ouais, c'est ça, non, je t'ai pris avant que tu l'évites, attends, tu rigoles ou quoi? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe encore avec Lady Gaga, là? La dernière fois, elle voulait absolument rencontrer Obama. Oui, justement. Ah, c'est toujours ça? C'est pour ça que je reviens avec ça, c'est qu'elle a rencontré Obama. Alors, pour vous rappeler, ça y est, donc, c'est fait. Ouais, alors, je vais vous rappeler. Moi aussi, j'ai rencontré Obama. Pour ceux qui n'étaient pas là quand j'en ai parlé, eh bien, elle s'est usée de sa notoriété pour servir les causes qui lui tiennent à cœur. Et justement, la cause, elle veut lutter contre l'homophobie. À la suite du suicide d'un de ses fans, âgé de 14 ans, qui ne supportait plus les moqueries concernant sa sexualité, eh bien, Lady Gaga, très affectée par le drame, avait déclaré sur Twitter qu'elle voulait rencontrer Obama pour parler du harcèlement, qui était pour elle complètement illégal. Eh bien, c'est chose faite, elle l'a rencontré lors d'une soirée caritative, ils en ont discuté. Elle a remercié Obama pour ses combats. Obama l'a remercié de mener elle aussi ses combats contre l'homophobie. Et apparemment, les choses ont un petit peu bougé. Donc c'est bien, elle a réussi quand même à... Enfin, Lady Gaga a dit je veux rencontrer Obama. Lady Gaga a rencontré Obama. C'est ça, elle a réussi. Okay. Ouais, mais c'est parce que c'est par rapport à ce dont on a parlé hier. C'est depuis qu'elle a mis ses dents... En diamant. En diamant, maintenant ça va beaucoup mieux. Elle a réussi à rencontrer l'homme le plus puissant. Non mais de c'est planète. Fou quoi, elle veut rencontrer Obama, Lady Gaga rencontre alors Obama, ouais, tu vois. Elle a vraiment tout ce qu'elle veut. C'est Lady Gaga en même temps, tu vois, je veux dire, c'est la femme la plus influente du monde. Ah non, c'est mais ça incroyable. Un truc de fou, c'est... Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon ben voilà, elle a réussi, donc moi j'aimerais bien rencontrer Sarah et Shaggy. Enfin Shaggy je m'en fous, mais Sarah ce serait bien. Oui. Mais je vais rencontrer Sarah. Ah non, mais je... Voilà, j'ai lancé l'invitation, maintenant on verra bien. Ah 6h41 oui, sur okay, Fun Radio, d'accord. Mais oui, dans un instant, oui. La ligne anti-relou, on parlera également de tout ce qui se passe sur la route, on donnera la réponse à la devinette qui colle, et on va écouter également David Guetta dans un instant. David Guetta avec Shaggy... Pas du tout. Oui, David Guetta avec Shaggy, mais oui. C'est un nouveau David duo. David Guetta avec Usher et Without You sur Fun Radio, ça va arriver dans un instant, restez bien là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h47 et que se passe-t-il sur les routes déjà ? Accident sur le 17 Anvers en direction de Gand à hauteur de Westminster en direction de Gand. C'est la bande de droite donc qui est obstruée. La circulation est fortement ralentie et puis soyez prudents également, il y a du brouillard. Donc levez le pied et mettez vos feux anti-brouillard. Voilà, donc faites attention. Et puis si vous êtes témoin d'un problème sur la route, un accident, un bouchon ou tout simplement un radar qui serait planqué là, vous savez où ça se passe, eh bien dites-le nous qu'on puisse aider tous les auditeurs de Fun qui seraient sur la même route, on sait jamais. 30, 40, 50 centimes le message, vous nous dites, ou alors vous me faites un mail et c'est gratuit, mikl@funradio.be. Allez, on va se faire la ligne anti-relou maintenant, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et nous allons donc faire péter les messages laissés sur cette ligne anti-relou. La ligne anti-relou, sachez que c'est un numéro qu'on met à votre disposition, le 0 473 86 00 13, et que c'est un numéro à retenir par cœur, surtout pour vous les filles, surtout lors de soirées par exemple, puisque c'est lors de soirées qu'il va pouvoir vous servir. Vous allez rencontrer probablement, parce que ça arrive un peu à chaque fois, un relou qui va venir vous prendre la jambe, vouloir vous offrir un verre, vouloir danser avec vous, vouloir vous embrasser, etc. Et surtout vouloir votre numéro. Et là, pour en être débarrassé définitivement, vous lui donnerez le numéro de la ligne anti-relou. Du coup, forcément, il va appeler le lendemain, chaud comme un lapin. Ah oui, ça c'est le propre du relou. Sauf qu'il va tomber chez nous. Et quand on tombe chez nous, ça donne ça. Allô, tu sais quoi, c'est un bus. Oui. Alors évidemment, parfois on a un relou flamand. C'est encore pire parce que du coup il est chiant mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage, effectivement. Deuxième message. Ouais, salut Valérie. C'était pour dire que cette soirée elle était hyper géniale. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais c'était vraiment génial. Mmh. Et j'espère que voilà, j'arrive pas à dormir. Et franchement, j'ai jamais vu un cul bouger comme ça. C'était trop sec. Ok. À la prochaine, alors. Ah écoute, elle a trouvé la soirée tellement géniale qu'elle t'a donné le numéro de la ligne anti-relou. Oui. Mais surtout que ça partait bien parce que j'ai passé une soirée géniale et tout, tu vois, ça va. J'ai jamais vu un cul bouger comme ça. Oui, non, c'était mais tu vois, trop romantisme génial. Est revenu donc. Le romantisme au taquet, c'est clair. Allez, dernier message pour cette heure-ci. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter concernant l'annonce. Je vous laisse paraître, donc je vous laisse le numéro. 056, car vous m'avez demandé Patrick. Merci, au revoir. Oui, l'annonce. Ah oui. Oui, bonjour, je vous appelle concernant l'annonce que vous avez laissée. C'est très, très carré comme ça, très, très droit. C'est parce qu'on sent que c'est lui le patron, tu vois, c'est lui qui porte la culotte. Hein. Ah oui, bah oui. Ah, il est là, bonjour. Ah, les filles bien ça aussi, hein, savoir que c'est l'homme qui porte la culotte et qui le prouve. Ouais, ouais, c'est vrai, il y en a, effectivement. Ouais. Bon, bah du coup, voilà, ligne anti-relou, on remet le couvert tout à l'heure, hein, ce sera dans moins d'une heure, donc restez bien avec nous. Et puis je vous rappelle, vite fait, avant d'écouter David Guetta et Usher avec Without You, la devinette qui colle pour tenter de repartir avec un appareil photo numérique Samsung, une micro chaîne Philips, donc ou alors une télé LCD, ou encore le pack console Nintendo Wii avec plusieurs jeux et la télécommande et le nunchuck noir également. Donc je vous rappelle l'énigme, signe habituel de réconciliation pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend, mais qui est-il? Comme j'ai dit, parfois on peut l'envoyer comme ça à distance avec la main, on fait ouais. Ou parfois on peut la pratiquer. Et oui. on peut y aller, et effectivement, on peut la pratiquer. C'est un petit peu l'acte sexuel, mais de manière un petit peu vulgaire, on va dire ça comme ça. Mais que toi, pratiques régulièrement, en tout cas de cette manière. J'essaye. Voilà. Mais en ce moment, c'est assez compliqué. Voilà, disons qu'on dit faire l'amour avec sentiment, et après, sans sentiment, on le dit d'une autre manière. Voilà. 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance. On vous tire au sort dans quelques instants, le temps d'écouter David Guetta maintenant et Usher, Without You sur Fun Radio. Il est 6h51. Bon réveil tout le monde, bon départ. Bah en cours et bon départ aussi au travail pour ceux qui vont bouger, et puis pour les chômeurs, bah bonne nuit. David Guetta sur Fun Radio, c'était le son de Cher aussi avec Without You. Dans un instant, l'info reviendra évidemment encore une fois avec notre ami July. La bonne réponse également à l'énigme qui colle, signe habituel de réconciliation pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Et ce matin, c'est des places pour le parc Astérix à gagner, appareil photo numérique Samsung, ou alors micro chaîne Philips, ou alors télé LCD, ou alors le pack Nintendo Wii avec le jeu, enfin plusieurs jeux à l'intérieur, les deux télécommandes aussi, c'est une télécommande Wii Plus noir et un Nunchuck noir qui est à gagner ce matin. Bon, alors avant cela, nous allons tenter de trouver une solution au problème de... dont Julie a parlé ce matin, hein, dans l'info en plus. C'était le Calvados. Mais oui, puisque Tov a appelé dans le Calvados. Bah attends, 162 256 622 euros. Exactement, c'est le gain de l'euro-million que le gagnant n'a pas été chercher. Ouais, c'est le plus gros gain jamais gagné en France. Et c'est le deuxième en Europe, je crois, ou le troisième en Europe. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est le deuxième, puisque le record c'était en Écosse. Là, on a parlé aussi, 182 millions là. 185. Bon, du coup, on va appeler dans le Calvados. 185 millions d'euros. Ça, parce que je me dis, moi, c'est peut-être un mec qui est étourdi, il est pas allé vérifier, il est peut-être pas. Bah, c'est possible. Ça, ou il a peut-être perdu, et bon, du coup, je pourrais l'aider à retrouver son billet, et on pourrait partager. Si je perds ça, je pense que je... Alors là, je. Je sais pas ce que je peux faire. Ah non, je crois que je ne m'en remets jamais. Je pense que si je le perds, ou alors si pire, on veut le perdre. Ah oui, alors là, je pense que tu ne parles plus à la personne. C'est genre la femme de ménage qui arrive. Oh, je l'ai jeté. Ah, merde. Je crois que tu la jettes aussi à la poubelle, elle. Ah oui, mais je l'ai jeté, je suis vraiment désolé. Alors attention, on appelle. Allez, c'est parti. Donc on va dans le Calvados. Cette fois-ci, en même temps, il y a peu de chance que ça décroche, mais enfin, on sait jamais. En même temps, tu veux leur dire quoi? Bah, que je vais les aider à retrouver l'argent. Entre une prime. Évidemment. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que a priori c'est dans votre région qu'a été gagné le jackpot de l'euro million, de 162 millions. Possible. Oui, voilà. Et en fait le problème c'est que j'ai remarqué que personne n'était venu encore récupérer son gain. Donc du coup je me disais que peut-être c'était vous qui aviez gagné mais que vous aviez oublié d'aller vérifier. Non, pas du tout. Ah, vous n'avez pas un ticket d'euro million qui traînerait et que... Non, vous pouvez me le dire. Non, pas du tout. Ah oui. Ah donc... oui, mais non, mais je joue, j'aime l'euro million, donc de toute façon, j'aime pas ces jeux-là. Donc, ah oui, façon, oui. Ouais. Et peut-être que votre mari, il aurait joué, il vous l'aurait pas dit. Non, pas du tout, non, pas du tout, encore moi. Ah, encore moi. Ou des amis à vous qui joueraient régulièrement. Non, moi, je connais personne, non. Ah bon, vous ne connaissez personne dans votre entourage. C'est dommage parce que, bon, vous comprenez, il y a quand même 162 millions à retrouver, donc si on pouvait, vous voyez, se mettre ensemble pour... Oui, bah écoutez, moi, je suis pas une voyante, hein, moi, je peux pas savoir. Hein. Ah bah sinon, on va passer chez elle pour vérifier, hein. Mais c'est ça, peut-être que je pourrais venir chez vous et qu'on pourrait chercher ensemble. Vous voyez ? Oui, c'est... pas du tout, j'ai pas du tout l'intention. On va venir vérifier, madame. On regarde. Puis, parce que vous savez, peut-être il est sous un meuble, vous êtes pas rendu compte, le ticket il a glissé. Et... Non, mais attendez, est-ce que je suis contre moi là ? Bah écoutez, je n'osais pas le dire, mais on ne sait jamais. Non, mais qu'elle nous donne son adresse, on va venir vérifier chez madame. On va l'aider ce matin. Donc voilà, donc on va vous aider, madame. Hein, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va retrouver les 162 millions. Voilà. Madame. Madame. Oui. Bon, on va arriver dans le Calvados là. Hein, on va arriver d'ici 5-10 minutes là. Oui, c'est ça, je vous attends. Bah très bien. Vous préparez le petit déjeuner là. Je prendrai un petit croissant ce matin avec un petit café. Ah, moi, c'est le pain au chocolat. Hein. D'accord. Bon, on arrive pour chercher le ticket d'Euro Million. Hein. D'accord. Oh, donc, bah tout de suite alors. Hein. Oui, à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Oh, bah c'est bien, c'est l'affaire qui roule. Ah, bah voilà. On a gagné un billet d'euro. Bah, écoute, on a gagné un petit billet d'euro. On a gagné un petit déj. Bah, déjà, on a gagné le petit déj. Ouais, je vous rappelle qu'il joue pas à ces jeux de cons. J'aime bien cet accent français. Bah, de toute façon, j'aime pas le dire. Le français a vraiment une façon de parler très, très agréable. Bah, de toute façon, j'aime pas ces jeux de cons, moi. C'est agressif comme ça. T'as joué à la con. Je joue pas à ça. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. De façon agressive comme ça. Non. T'as joué à la con. De toute façon, on va faire ces infos à la con. De toute façon, ça fait chier, moi, ces infos à la con. Les mêmes choses. Thierry, tu sais quoi, il y a un connard qui m'a appelé à propos de l'euro million ce matin. Il veut venir nous aider à trouver l'euro million et je suis pas con à ce point là quand même. Si on avait joué, je le saurais. Bon, on va en rappeler d'autres tout à l'heure, donc restez bien là et puis on va s'écouter le son de Mika aussi dans un instant. Et il y a les infos aussi, Julie, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. 7h01 sur Fun Radio et nous allons maintenant donner la réponse à la petite devinette qui colle. Nous avons Laetitia de Liège. Salut Laetitia. Bonjour. 30 ans, Letty, comment ça va ? Ça va bien. Bon, c'est sur 99 FM qu'on écoute Fun Radio partout dans la cité ardente. Alors, Laetitia, tu as la réponse à la devinette qui colle. Signe habituel de réconciliation pour Judas. Il fut signe de trahison. On le donne, on le prend. On le reçoit, on le rend. Qui est-il ? Le baiser. Effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo à toi. Merci. C'est gagné. Bah écoute, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Appareil photo numérique Samsung, micro chaîne Philips, télé LCD ou alors le pack Nintendo ? Oh, je réfléchis, je vais voir. Je vais me tromper, là. Tu verras ça peut-être au standard. Hein. Oui, bah si tu vas, c'est pour ça. Tu sais pas, tu veux voir au standard ? Oh, je préfère parce que j'ai vu dans la télé le pack. Bon, alors tu vois au standard, il n'y a pas de problème. Tu restes bien là, Laetitia. Il y a du temps à perdre. Voilà, et je vais juste poser la petite question qui colle maintenant. Un Chinois se marie pour la 4e fois, mais à votre avis, quel âge a-t-il ? C'est surréaliste. En plus, il ne les fait pas du tout, c'est ça qui est exceptionnel. Voilà, donc un Chinois se marie pour la 4e fois, mais à votre avis, quel âge a ce Chinois ? Ce Chinois ne doit plus être tout jeune, à mon avis. Oui, vraiment bien vieux. Ça te demandait comment ça se fait qu'il n'est pas encore mort. D'accord. Voilà, 7h02 l'info. L'info maintenant avec July, la baronne. Salut à tous, blocage chez JSK. Syndicats et direction n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir. Environ 2000 ouvriers des sites de production avaient décidé lundi midi d'arrêter le travail pour protester contre l'attitude de la direction dans la négociation de la convention collective 2011-2012. Ils se croisent donc toujours les bras aujourd'hui chez JSK Wavre et Eric Sansard. En politique, le formateur Elio Di Rupo et Yves Leterme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et aux communautés. Le Belge achète plus équitable. En quelques années, 500 000 de ménages se sont tournés vers le commerce équitable. Plus de 40% des ménages belges ont acheté au moins un produit équitable en 2011, contre 25% seulement il y a 3 ans. La Belgique se situe un peu au-dessus de la moyenne mondiale et ce sont les jeunes qui se sentent moins concernés par l'équitable. Le consommateur moyen est plutôt âgé de 50 ans. Les billets d'avion coûteront plus cher en 2012 en Europe, de 2 à 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour. Objectif, aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique imposé par l'Union européenne dans son espace aérien. Les compagnies aériennes desservant l'Union européenne seront donc contraintes à partir de 2012 de payer un dédommagement dédommagement de 15% de leur émission de CO2 sur le trajet. La décision d'imputer ce surcoût sur les prix des billets appartient au final à la compagnie. Vous avez toujours rêvé d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence en plein bouchon? Eh bien, c'est bientôt possible en Flandre. La région flamande va autoriser pour la première fois l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence sur le 313 Anvers en direction de Liège lors des heures de pointe afin de fluidifier le trafic. Grâce à la signalisation adaptée, la bande d'arrêt d'urgence sera ouverte au trafic quittant Anvers à partir de 15h. C'est un système qui existe déjà aux Pays-Bas. À l'étranger, le typhon Nessat aux Philippines a fait 18 morts et 35 disparus selon le dernier bilan. Plus d'un million de personnes restent sans électricité. Une autre tempête tropicale était en formation au-dessus de l'océan Pacifique et pourrait frapper le pays d'ici la fin de la semaine. Une vingtaine de typhons frappent les Philippines chaque année. Et puis enfin en sport, des Belges mouillaient leur maillot sur la pelouse d'un terrain de football hier en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les joueurs belges Van Buyten et compagnie s'affrontaient lors du choc entre Manchester City et le Bayern de Munich. Et bien c'est le Bayern qui l'a emporté 2-0. 7h05 sur Fun, la météo maintenant. En détail, un vaste anticyclone centré sur la Pologne déterminera favorablement le temps sur le territoire. Enfin bon, en bref, il va faire canon jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Pour le reste de la semaine, c'est toujours le soleil qui domine. Très bien, la bonne nouvelle. Dans un instant, restez bien là puisque c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 7h06, l'info en plus maintenant avec Julie. Alors on connaît les petites cartes de vœux très classiques comme par exemple joyeux anniversaire ou prompt rétablissement, enfin ce genre de choses. Et bien maintenant il y a des nouvelles cartes qui viennent de sortir, quand même assez osées, et qui disent bon chômage. C'est sympa ça. Voilà. Profite bien de la société, tiens. Il y a des petites phrases comme par exemple ne pense pas que tu viens de perdre ton boulot, ou alors pense que c'est une pause entre deux imbéciles de patrons, ou alors encore que penses-tu de c'est moi qui paye. Donc ce ne sont pas évidemment les cartes les plus vendues selon le fabricant, mais ils pensent quand même qu'ils occupent une niche intéressante et que ça peut se développer, quoi. Et que l'humour est plus important que jamais dans notre société actuelle. Maintenant vous pouvez acheter des petites cartes bon chômage pour vos amis, votre Félicitez famille. Félicitez vos amis de ne rien glander à la maison. Voilà, exactement. Bravo à vous. 7h07 sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite question qui colle. Un Chinois se marie pour la quatrième fois. Mais à votre avis, quel âge a-t-il le Chinois? C'est surréaliste d'arriver à cet âge-là. Et il a l'air en pleine forme. C'est ça qui est exceptionnel. Il pourrait être l'homme le plus vieux du monde, quasiment. Donc, ce point-là. Ça vous donne un indice quand même. Cadeau à gagner au 63-22 et on rembourse vos factures. Ce matin, on fait une spéciale téléphone. Donc si vous avez une facture de téléphone Proximus, Base, Allo RTL, Mobile Vikings, n'importe quoi, eh bien vous pouvez nous la soumettre. Et puis on vous rappelle et on vous rembourse tout simplement. 63-22, débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on écoute le son de Mika maintenant sur Fun Radio avec Elle me dit. Bonne matinée tout le monde, 7h08 sur Fun. 7h11 sur Fun Radio, Mika à l'instant avec Elle me dit et le Chinois qui se marie pour la quatrième fois. À votre avis, quel âge a-t-il? On proposait 122 ans, non c'est un peu moins quand même. 125 ans pour Valérie, non c'est moins également. 102 ans par contre, ça c'est plus. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message, bonne chance. Et puis là, on va payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. Ce matin, on fait une spéciale téléphone portable. Si vous avez une facture de téléphone, eh bien on vous la rembourse ce matin. Alors facture, alors assurance auto, ça marche pas. On a dit que les téléphones portables ce matin. Mobistar juillet, 192€. Oui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Facture de 318€ pour le téléphone. Dis donc, c'est surréaliste. Proximus, 216€. 1400€ chez Mobistar. 158€ également, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 1000€. Allez, allô, c'est pas mal. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui te paye tes factures le matin? Bah, c'est une radio. Hein. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu poses comme question? Qu'est-ce que tu m'appelles le matin pour demander ce genre de conneries? Comment tu t'appelles? Steve. Comment tu t'appelles? Steve, d'accord. T'es dans quelle ville, Steve? Moi, je suis de Rhodes-Saint-Genèse. Rhodes-Saint-Genèse, d'accord, ok. Et toi, c'était une facture de combien? De 30... 35€. Voilà. 35€, d'accord, ok. C'était chez quel opérateur? C'est une carte prépayée ou un abonnement? Une carte prépayée. Une carte prépayée, bah écoute, y a pas de problème, on va te remettre un petit peu de crédit. Alors, 35€ de crédit, sans problème. Eh bah, Steve, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça fonctionne, ok? Ok, merci. Salut Steve, à bientôt, ciao. Allez, on remet le couvert tout à l'heure, hein, si vous le souhaitez. 8h10, on remettra le couvert dans moins d'une heure. 63-22, débutez votre message simplement par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Ce matin, on fait péter les remboursements de facture téléphone. Allez, bonne chance tout le monde. Et on va s'écouter un petit son à l'ancienne. Tiens, Justin Timberlake maintenant dans le morning. C'est Rock Your Body. On est ensemble jusqu'à 9h30. Bonne matinée. Justin Timberlake sur Fun Radio à l'instant, c'était Rock Your Body. Restez là aussi, Deep Side DJs arrive avec Never Be Alone. Il y aura l'énigme qui colle dans un instant, l'info dans moins d'un quart d'heure également. On parlera de nos amis ch'ti aussi, vous le savez maintenant, hein. Vous en avez pris l'habitude et vous aimez en règle générale ce petit côté ch'ti qui va arriver d'ici quelques instants. Et toujours la question qui colle, quel âge a l'homme le plus... enfin qui vient de se marier pour la quatrième fois, mais à votre avis, à quel âge s'est-il marié pour cette quatrième fois? La réponse au 63-22, on proposait 105 ans, sachez que c'est plus. 107 ans c'est plus, 111 ans c'est plus, 112 ans c'est plus également, 120 ans et là c'est un petit peu, 122 ans pardon, là c'est un petit peu moins, bon c'est moins de 120 ans également, cela dit au passage. Fun Radio, l'horoscope. Allez, passons maintenant à l'horoscope avec bah, notre ami Doudou. Hein. Attendez Doudou, c'est pas une brocante à la radio par contre. Hein. Ah mais pourquoi vous me dites ça encore aujourd'hui? Enfin c'est quoi ce bordel que vous nous avez apporté ce matin encore là? Bah c'est Julie. Hier, elle a demandé que je la désenvoûte pour qu'elle ait un meilleur horoscope, que ça aille mieux dans sa vie. Oui, mais on a c'est vrai, vraiment c'est besoin de tous ces accessoires. Bah, c'est-à-dire que j'avais, oui, je pensais pas que ce serait comme ça. Ah bah oui, mais bon, attendez, moi, pourquoi Julie, je vais pas faire les choses à moitié quand même. Hein. Mm-hmm. Ouais. Bon, bah, on va faire l'horoscope avant. Hein. Rangez-moi ce crapaud mort là, si c'est possible. Ça pue un peu là quand même. Hein. Bon, les béliers. Alors les béliers, ne vous fiez pas à votre chance au jeu, vous risquez d'être amèrement déçu. Ah bah tiens, ça c'est bizarre. C'est étonnant. Ah ouais, tiens, ça, parce que j'allais justement faire un Mickaël loto là. Et bélier. Ouais, c'est bizarre, tiens, les taureaux. Oh bah ne rigole pas, les cancers arrivent. Ah on dit ça va. Bon, les taureaux. Pour les taureaux, alors c'est réglé aujourd'hui encore les tâches importantes afin d'avoir l'esprit libéré ce soir. Les gémeaux. Décompressez, la routine vous retrouvera plus rapidement que vous le pensez. Les cancers, comme Julie, allez hop là. Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices en plein air. Hein. Cela peut avoir des effets miraculeux. Tu vois, mais elle veut pas venir faire du vélo avec moi là. Non, je n'ai juste pas le temps. C'est ça que tu ne comprends pas. Toi, tu as le temps de ne rien foutre de tes journées. Mais c'est pas vrai, moi je travaille, moi je fais du vélo vers 15-16 heures. Hein, ah oui, oui, bah, mais moi je travaille jusqu'à 18h. Ah bah ouais, mais ça, j'y peux rien, moi, si tu te fais voir. Hein. Oui, les lions. Bien sûr. Oh là là, vous n'avez aucune raison de rester inactif et de ne pas utiliser votre énergie dans un programme de fitness. Mon Dieu, mon Dieu. Les vierges. Une balade à la campagne avec votre partenaire, vous serez bénéfique. Ah oui, mais elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Tiens, que vous voulez que je vous dise. Les balances. Ah bon, vous êtes partenaire? J'ai fait exprès. Alors parfois, ça aide de se retenir au lieu de provoquer une dispute avec votre partenaire. Les scorpions. Vous devriez vous préoccuper un peu plus de votre alimentation. Les sagittaires. Ne vous cassez pas la tête sur les problèmes de demain. Vous aurez bien le temps demain. Oui, les capricornes. Tout va pour le mieux et professionnellement parlant, tous vos vœux vont s'exaucer aujourd'hui. Les Verseaux, faites des économies. Oui, bah c'est toujours sympa pour tout le monde. Je pense que c'est important. Bah oui. Et enfin, les poissons. Mettez de l'ordre sur votre bureau. Il y a peut-être des cadavres qui traînent. Ah, bah, ah, très bien, la bonne nouvelle. C'est plaisir. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, à tout à l'heure, Doudou. Hein. Bah oui, pas de problème, je suis là. Bah, mais sans le crapaud. Oui, sans le crapaud, si c'est possible. Hein. Ah bon? Ouais, ouais. Évitez. Regardez, il est mignon, il vous fait un ouais, sourire. Ouais, ouais, ah non, mais il est mort, là. On n'en doute pas, mais. Il bouge plus. Ouais, on n'en doute pas, mais on préfère pas le voir tout de suite, quoi. Mais si je mets ma main dedans, il peut bouger. Je me doute, je me doute. Bon, 7h20 sur Fun Radio. Bonne matinée, tout le monde. Et puis, bon réveil aussi. Là, le soleil va se lever tout doucement. Là, beaucoup de brouillard là pour l'instant hein, encore. Ouais, mais ouais, soyez prudents sur les routes. Mais voilà, donc faites attention. On parlera des problèmes sur la route aussi tout à l'heure. Le temps d'écouter Deep Side DJs maintenant. Son que vous avez découvert sur Fun Radio pendant l'été. Never Be Alone. Et juste après, on parlera des ch'tis. Oh bah tiens. Oh bah tiens, les ch'tis à Ibiza, tiens. Ils nous ont encore fait plein de conneries, ces mondes abrutis là. Y'a pas. Eh oui, ah, voilà. Y'a pas. Allez, on en parle dans un instant. Restez bien sur Fun Radio. Deepside DJs sur Fun Radio à l'instant, Never Be Alone, il est 7h24, bon réveil tout le monde et puis bon courage si jamais vous bougez là pour aller au travail, bon courage avec les embouteillages aussi d'ailleurs, on en parlera d'ici quelques instants, des bouchons qu'il y a sur les routes, si vous êtes témoin d'un problème d'ailleurs sur les routes, n'hésitez pas à nous le signaler, ça se passe au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message, ou alors vous me faites tout simplement un petit mail sur mikl@funradio.be. Avant de donner la réponse à la question qui colle, qui était la question suivante ce matin là, écoutez bien, je vous la rappelle. Un Chinois se marie pour la quatrième fois, mais à votre avis, quel âge a-t-il? 115 ans, c'est plus. 118, c'est moins. 117. Si je le dis, après vous aurez à répondre. Donc je ne donnerai pas l'indice à ce niveau-là. 121 c'est moins, 114 c'est plus, 119 c'est moins. Voilà, 63-22, on donne la réponse dans quelques petits instants. Mais attention, mesdames et messieurs, j'ai dû très très lourd ce matin, de l'énormissime. Et oui, tu vas nous révéler la vérité sur Julie. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non, j'ai mieux à ce niveau-là. Et oui, les ch'tis sont de retour, ils ont encore frappé. Mais alors là, je ne sais pas comment ils vont faire pour aller encore plus loin. Je vous rappelle que les ch'tis à Ibiza, c'est ça l'émission. C'est diffusé en France pour l'instant, pas encore en Belgique, mais ça va pas tarder. Mais rassurez-vous, on vous aura déjà donné toutes les infos à l'avance. Hein. Donc les meilleurs moments seront déjà passés. Donc écoutez, parce que il faut que c'est quand même des cassos. Hein. Pour ceux qui débarquent, ils ont quelques problèmes avec la langue française, et là je ne sais pas comment ils vont faire pour aller plus loin que ça. Chris me réveille, tout le monde a la tête un peu dans les godasses. Chris était vachement motivé pour sa femme, pour sa bague. Je voulais partager mon joie de bonheur et de l'amour avec eux. Voilà, il voulait partager son joie. Mon joie de bonheur et de l'amour. D'accord. Oui, on sent qu'il est très heureux. Ah, il parle toujours aussi mal français. Ah, oui. Parce qu'il faut savoir que dans les ch'tis à Ibiza, donc, il va y avoir un mariage donc, entre Christopher et Kelly. Alors, souvenez-vous juste comme ça de Christopher. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans et je vais à la Tourcoing. C'était notre coin. Et donc comme il va se marier, donc forcément il a dû choisir un témoin. Tu veux bien être mon témoin quoi, vite fait quoi. Ouais. J'ai choisi Vincent comme témoin parce que notre amour d'amitié il est vraiment fort. Voilà, tu veux bien être mon témoin ou quoi? Vite fait, tu viens à mon mariage, tu fais le témoin, allez, vas-y. Et notre amour d'amitié, il est vraiment fort, tu vois. Là, on le voit bien, là, effectivement. Et comme les ch'tis ne font jamais rien comme les autres, le prêtre au mariage est aussi un peu spé. Avant de terminer la cérémonie, je voudrais chanter une bénédiction de la bienvenue des Indiens Yaki. Christopher, j'ai 24 ans, je vais à la Tourcoing. Ouais, Non mais c'est normal, tout le monde le sait que Ibiza ça a été envahi par les Indiens en 1626. Mais bien sûr, évidemment. 1627 je pense, non c'était pas... Peut-être, effectivement. Peut-être un doute, on va vérifier sur Wikipédia. C'est possible. Bon ben voilà, donc les ch'tis à Ibiza ont encore une fois frappé très fort. Et très loin. D'ailleurs, vont-ils pouvoir revenir? Ça n'est pas sûr. Je crois qu'il faut les laisser là-bas à un moment. Il ne faut pas qu'ils reviennent. Ouais, c'est vraiment pas certain. Hein. Bon, nous avons Genio qui est avec nous maintenant. Salut Genio de Bruxelles. Genio? Oui, bonjour. Tu t'appelles bien Genio? Non, Genio. Ah, Genio, il faut couper ta radio, Genio, par contre. Hein. 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles, puisque tu nous appelles de Bruxelles. Tu as 22 ans, Genio. Et tu as la réponse à la question qui colle. Quel âge a le Chinois qui s'est marié pour la quatrième fois? 116 ans. Oui, 116 ans. L'amour n'a pas d'âge. Donc en fait, il s'est marié la première fois, il a eu 8 enfants, je pense. 8 enfants, ils sont tous morts. De mort particulière, on va dire, de mort spéciale. Comment ça? Ouais, je sais pas. Il les a noyés. Non. Il a eu 7 fils et 8 filles, pardon, tous décédés en bas âge. Un drame que le vieil homme met sobrement sur le compte de la dureté de la vie. Oui, c'est quand même bizarre. Hein. En 1972, sa femme, bon, forcément, décède. 14 mois plus tard, il trouve sa seconde épouse. Le mariage va durer 10 ans. Il n'y a pas d'enfant, par contre. Hein. Ensuite, 6 mois plus tard, il retrouve de nouveau l'amour avec une femme de 50 ans, sa cadette. Un mariage heureux qui prend fin en juin dernier avec le décès de sa troisième épouse. En fait, elles sont toutes passées. Ah non, mais c'est normal. C'est-à-dire que l'autre, il est tellement vieux. Et donc là, ils viennent se marier de nouveau avec une femme de 52 ans, sachant que lui-même en a 116. Mm-hmm. Et il projette de se marier, non pas d'avoir des enfants, quand même pas. Hein. Mais bon, ils ont intérêt à projeter très vite, hein, parce que. Oui. Ça c'est sûr. Ça va pas durer éternellement ça. Bon en tout cas Genio, bravo à toi. Tu repars avec les cadeaux, je te renvoie au standard et puis je te souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Salut Genio, ciao à toi, à bientôt. Et puis merci d'être passé sur Fun. On va revenir dans un instant avec l'info évidemment et avec la petite énigme qui colle. Je vous en parle juste après le son de Lucenzo. Du moins c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 7h30. Oula. À la radio. Fun Radio. Ça arrive, hein. 7h30 sur Fun Radio. Bah oui, je le laisse parler, ça va. 7h30 dans un instant, l'info arrive avec Julie. Et puis là, écoutez bien, j'ai des appareils photonumériques Samsung à vous offrir. Ou alors une micro-chaîne Philips, ou alors une télé LCD, ou alors des places, pardon, pour le parc Astérix, ou alors le pack Nintendo Wii avec deux jeux Wii Sports. La télécommande Wii Sport Plus noir et un nunchuck noir à gagner ce matin si vous avez la réponse à la devinette qui colle. Il fait sauter les courageux et tomber les chaussettes quand il est lâche. Arme des potaches, des petites filles, il tient les cheveux. Qui est-il ? On peut sauter également en parachute ou avec ce dernier. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1 euro le message et tout ce qu'il y a gagné, je vous ai tout dit il y a quelques instants. Bonne chance tout le monde, je répète vite fait quand même. Hein. Oui, il fait sauter les courageux, donc ça c'est ce que je vous disais, et tomber les chaussettes quand il est lâche. Arme des potaches, des petites filles, il tient les cheveux. Facile. Qui est-il ? 63-22, 1 euro le message, bonne chance. 7h30, l'info maintenant avec July. Salut à tous, blocage chez GSK, syndicats et direction n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir. Environ 2000 ouvriers des sites de production de GSK avaient décidé déjà lundi midi d'arrêter le travail pour protester contre l'attitude de la direction dans la négociation de la convention collective. Les ouvriers se croisent toujours les bras aujourd'hui chez GSK Wavre, Eric Sansard. La Poste aurait licencié du personnel atteint d'un cancer. Selon les journaux Sud Presse ce matin, l'an dernier, 400 personnes en arrêt maladie ont été licenciées. Des contractuels dont certains étaient absents pour traiter un cancer. Le syndicat CSC dénonce aujourd'hui un scandale et compte interpeller les responsables politiques. En politique, justement, le formateur Elio Di Rupo et Yves Leterme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et communautés. Le Belge achète plus équitable. En quelques années, un demi-million de ménages se sont tournés vers le commerce équitable. Plus de 40% des ménages belges ont acheté au moins un produit en 2011, contre 25% seulement il y a 3 ans. La Belgique se situe un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale. Le consommateur moyen est âgé de 50 ans. Les billets d'avion coûteront plus cher en Europe dès 2012. Objectif, aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est imposé par l'Union européenne dans son espace aérien. Les compagnies aériennes desservant l'Union européenne seront donc contraintes à partir de 2012 de payer un dédommagement pour 15% de leurs émissions de CO2 par trajet. De 2 à 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour. La décision d'imputer ce surcoût sur les prix des billets appartient au final, évidemment, à la compagnie. Vous avez toujours rêvé d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence en plein bouchon? Eh bien, c'est bientôt possible en Flandre. La région flamande va autoriser pour la première fois l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence sur le 313 Anvers en direction de Liège, lors des heures de pointe. Bien sûr, pour fluidifier le trafic, grâce à une signalisation adaptée, la bande d'arrêt d'urgence sera ouverte au trafic quittant Anvers à partir de 15h. C'est un système qui existe déjà aux Pays-Bas. À l'étranger, le typhon Nessat aux Philippines a fait 18 morts et 35 disparus selon le dernier bilan. Plus d'un million de personnes restaient encore sans électricité hier soir. Une autre tempête tropicale était déjà en formation au-dessus de l'océan Pacifique et pourrait frapper le pays d'ici la fin de la semaine. Une vingtaine de typhons frappent les Philippines chaque année. Et puis enfin, en sport, des Belges mouillaient leur maillot hier sur la pelouse d'un terrain de football. En phase de groupe de Ligue des Champions, les joueurs Van Buyten et compagnie s'affrontaient lors du choc entre Manchester City et le Bayern de Munich. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est le Bayern qui l'a emporté 2-0. Il est 7h35 sur Fun Radio. Bon réveil, c'est la météo maintenant pour vous aider à bien vous réveiller, tiens, justement. Eh bien oui, parce que grâce à un vaste anticyclone centré sur la Pologne, eh bien, il détermine favorablement le temps sur notre petite Belgique. Il va faire canon aujourd'hui jusqu'à 25 degrés. Et pour le reste de la semaine, c'est toujours le soleil qui domine. Ça fait plaisir. 7h35 sur Fun Radio, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et au niveau de l'infotrafic, il y a aussi un petit message de Mirko qui dit: je vous signale que les bus de la Tech sont en grève à Charleroi, donc du coup c'est le bordel. Ah bien, l'information n'est pas encore arrivée jusque chez moi. Voilà, mais merci Mirko pour l'info. Je vais le vérifier tout de suite. Très bien, parce qu'elle a pas confiance en toi, Mirko, faut qu'elle te le dise. Hein. Ah mais je, moi si elle est, oui. C'est une vraie journaliste d'investigation. Mais elle prend immédiatement sa voiture pour descendre à Charleroi. Je ne peux pas, c'est assez bizarre parce que je n'ai aucune info. Moi, qui tombe. Écoute, c'est ce que Mirko nous dit. Après, dites-nous si vous êtes à Charleroi là, est-ce qu'effectivement les bus sont en grève de la tech. Ça, vous nous envoyez un petit message au 3044. C'est peut-être une grève surprise là qui vient de débarrer là à 7h30, on ne sait pas. Bah oui, mais oui, enfin à vérifier. Ah bah vérifier, on verra. Bon, 7h35, l'info en plus. Alors l'info en plus qui. Enfin, qui fait mal quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, on avait parlé depuis de ce fameux gagnant de l'Euro Million, oui. Le joueur français du Calvados qui avait quand même remporté la modique somme de 162,256,622 ouais, euros. Ça, ouais. Enfin bon, plus de 262 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Ce effectivement. Qui fait 7 milliards de francs belges. Oui, bah c'est peut-être pas la peine de le rajouter. Hein. À peu près. Hein. J'ai pas compté dans les détails. Hein. Donc l'heureux gagnant des 162 millions d'euros, ce Français a gagné ça le 13 septembre et depuis il n'a toujours pas réclamé son gain. Et l'Euromillion rappelle qu'il a 60 jours pour quand même contacter les services de la Française des Jeux pour réclamer son chèque. Sinon après, bah, ça passe à la trappe. C'est ça. Donc, on a envie de lui dire dépêche-toi quand même, hein, parce ouais, que nous, bah, on est un petit peu dégoûtés si de pas les avoir besoin, gagné. Nous, tu les donnes. Hein. Voilà, alors ce gain le plaçait quand même à la 250e place des plus grosses fortunes françaises. Et juste pour se faire encore un petit peu plus mal, le record absolu de l'Euromillion, vous vous en rappelez, c'était les 185 millions d'euros gagnés par un couple d'Écossais au Royaume-Uni. Couple d'Écossais, je vous le rappelle, qui n'avait pas voulu garder l'anonymat et qui avait montré sa tête à tout le monde. C'est ça, mais ils ont bien raison. Qui avait fêté ça avec tout le monde. Et ce couple qui est maintenant parmi les 430 plus grandes fortunes britanniques et qui se place quand même devant Ringo Starr, le batteur des Beatles, qui ne doit pas non plus être pauvre. Non, qui, ça c'est clair. Dans un taudis. Oui, ça aussi, mais ça c'est un autre problème. Ça. 7h37 sur Fun Radio. De toute façon, dans 20 minutes, on va appeler avec Toff là, pour proposer de l'aide aux habitants du Calvados en France pour retrouver le billet d'Euro Million, évidemment. Bon, sinon, des infos aussi par rapport à la grève. Arnaud qui dit pour le moment, les bus circulent à Charleroi. Il y a un autre message d'Anthony qui dit je suis chauffeur de taxi sur Charleroi. Et effectivement, il y a la grève des bus. Et Mirko qui dit je viens d'entendre l'info sur Bel Air Tayal. Bah oui, mais il faut rester sur Fun. Hein. Ouais, mais attends, mais Bel Air Tayal ne l'a pas encore annoncé sur son. Ah, et un message de Franck qui dit je ne confirme pas la grève, je suis dans le bus, ligne 35. Bon, après, c'est peut-être pas tous les bus non plus. Il y a peut-être certaines lignes, je sais pas. Bref, si vous êtes sur Charleroi, vous nous dites. On en reparle à 8h. 30-44 par SMS, exactement. Et côté son. Pourquoi ? Tous les matins. T'as rien demandé ? Pourquoi pas ? Peut-être. Oui, c'est vrai. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Voilà, moi je voulais juste envoyer le son de Lucenzo avec Don Omar qu'on écoute maintenant, tiens. Danza Kuduro sur Fun Radio, il est 7h38. Bon réveil tout le monde. Si vous aimez ce style de musique, tous les vendredis soirs, c'est l'Invasion Latine avec Manu, Lucenzo et Don Omar. C'est Danza Kuduro. Quand je dis tous les vendredis soirs, c'est évidemment tous les vendredis, minuit, 1h, juste après Keep It Real avec Vince. Et donc un message au 3044. Salut Mickaël. Eh bien, grève. Il y a bien grève. Nous n'avons pas pu monter dans le bus. C'est Séverine qui avait envoyé le message. Donc ça vient a priori à peine de démarrer, quoi. Donc ça se passe à Charleroi. Ah, et un message qui dit, il y a Mirko qui dit, c'est pas une fausse info, le dépôt Janson est en grève. Ah voilà, ok, très bien. Voilà, donc ce serait bien un dépôt et donc forcément il n'y a pas toutes les lignes dans le même dépôt. J'espère évidemment. J'espère en donner plus de détails. Mais bien sûr, car Julie est au top du top. Mais vous oui, allez voir. Elle est déjà sur la route. Mais évidemment, évidemment. Je suis en ce moment en direction de Charleroi. Tout à fait. Pour aller vérifier moi-même sur place si le dépôt de Janson est bien en grève. Bon, et donc je vous rappelle exclusive des chauffeurs. Exactement. Je vous rappelle maintenant la petite énigme qui colle pour repartir avec soit l'appareil photo numérique Samsung, soit la microchaîne Philips, soit une télé LCD. Soit des places pour le parc Astérix, soit une Nintendo Wii, le pack complet avec plusieurs jeux à l'intérieur et deux manettes, notamment la télécommande Wii plus noire et une nunchuck noire. La question qui colle, la devinette qui colle, c'est celle-ci. Où est-ce qu'il est ? J'ai perdu le truc. Il fait sauter les courageux et tomber les chaussettes quand il est lâché. Arme des potaches des petites filles, il tient les cheveux. Comme j'ai dit, il y a le saut en parachute pour les plus fous. Et puis après, il y a un autre saut qu'on fait en règle générale au-dessus d'un pont ou sur une grue. Voilà. Et que j'ai fait. Et que, oui, bah, moi j'ai fait aussi. Si vous avez la bonne réponse, 63, 22, c'est un euro le message, il y a tout ça à gagner. Allez-y, bonne chance. Mais c'est rien du tout. Bon, nous avons Sébastien Loeb, live from Namur. Allo, allo, Loeb. Ah oui, mais c'est ma faute, attends pour moi. Loeb, excuse-moi, attends une seconde, je vais pousser sur un bouton et hop là, comme par magie, tu vas arriver à l'antenne. Allô Loeb, voilà, ça y est, c'est fait. Ah, c'est voilà, mais non, c'est magnifique. Bon alors Loeb, en direct de Namur, donc pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Exactement, précisément à l'autre de Jodogne en fait. Donc c'est plus ou moins Jodogne. Entre Bruxelles et Namur. D'accord. Donc, ok. Et alors on est dans une rue avec beaucoup de circulation. Ouais. Et ça s'entend pas, je te rassure. Et alors, à la fin de ma course, j'arriverai dans une école. Donc, D'accord, ok, très bien. Ah ben écoute, bon démarre ta course maintenant. Mickaël réveille la Belgique à Namur. C'est parti. Tous les matins, Mickaël réveille la Belgique sur son radio. Pour la mademoiselle. Savoir qu'il a un mégaphone, hein. Bientôt il a un mégaphone, voix quand même. Mais non. Si. On arrive au bout de la rue. Ah, très bien. 107.5 la fréquence. Oui. Ici le mégaphone. Le mégaphone. Voilà. Là, le mégaphone. Il faut crier maintenant aussi, hein. Voilà. Pas toujours facile, hein. Bah tu sais, le tabac et la course, ça ne fait pas toujours bon ménage. Le tabac, la course et les fâches tout. Arrête de fumer. Oui, c'est ça, il faut arrêter aussi. Je crois qu'il est grand temps. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je crois qu'on a réveillé 3 personnes. Ouais, t'as réveillé 3 personnes. Les gens qui nous regardent de travers, mais bon, sinon ça va. Oui, sinon ça va. En même temps, on va te laisser te reposer parce que tu vas bientôt tomber dans les pommes, hein. Ben oui, j'ai un peu le tour de Michael Jackson, en fait. D'accord, ouais, bah c'est ça, ouais. C'est ça. Très bien. Bon, Lob, en direct de Namur à Chaudogne, pour être précis. Mickaël a bien réveillé la Belgique et ça fait plaisir. Bon, à tout à l'heure, Lob, pour la déclaration express. À tout à l'heure, et 107.5 pour écouter Fun Radio dans tous les murs, comme ça vous êtes au courant, et dans la région également. Dans un instant, c'est David Guetta et Saya qui arrivent. Avec Titanium, ça va débarquer dans un instant. On parlera de l'infotrafic également et des infos à Liège, à Charleroi, pardon, au niveau de la grève, et la ligne anti-relou aussi. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, 7h50, nous sommes très en retard, on va parler du trafic maintenant avec Julie. Soyez très prudents, accident sur le 411, Luxembourg, Namur, Bruxelles, à hauteur de Dossouf, c'est en direction de Bruxelles donc. La bande de gauche est obstruée, la situation est dangereuse, c'est au kilomètre 50.2. Et puis accident sur la N60 à hauteur de Hackeny en direction de Leuze, la bande de gauche est obstruée et on nous signale du brouillard dense à cet endroit. Adaptez donc votre vitesse. Très bien, et on va passer maintenant à la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. 7h51 sur Fun Radio. Nous allons maintenant faire péter les messages de la ligne anti-relou. Chaque matin, on écoute les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Justement, on va démarrer avec le premier message. Oui, Katia, c'est Asdine. Bah, écoute, tu m'as fait une demande d'amis. Ça fait un moment qu'il fait une demande d'amis. Tu me supprimes, tu me rajoutes, donc je ne sais pas qui es-tu. Et si je me suis permis de te téléphoner pour voir si on peut faire connaissance, parce que je ne sais pas qui es-tu vraiment. Tu peux me rappeler à ce numéro-là, s'il te plaît, merci. Bien, je m'envoie un SMS. Allez, bisous. Mais il va attendre sur les SMS très longtemps, lui. Hein. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est sûr. C'est le genre de SMS qui n'arrive jamais. Je sais, bah, c'est ça. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Allô, tu es Freddy. Je suis en train de vous dire que je suis en Bon, c'était bref. Il y a les flamands relous, mais moi, le flamand est bref. Hein. C'est vrai. Et enfin, troisième message. Ouais, salut Valérie. C'était pour dire que cette soirée, elle était hyper géniale. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais c'était vraiment génial. Et j'espère que, j'arrive pas à dormir. Et franchement, je pense que tu vas la garder un moment sous le bras. J'ai un cul bougé comme ça. C'était trop sec. Ok. Eh bien, garde bien ça en tête. À la prochaine, alors. Allez. C'est le souvenir que tu auras. Allez, à la prochaine alors. Hein. C'était trop de la balle. Trop sexe. Non, trop génial. Bon, allez, voilà, prochain coup de la ligne anti-relou, ce sera dans moins d'une heure. Donc soyez bien sur Fun Radio et restez bien sur Fun Radio. Et attention, je vais vous répéter une dernière fois maintenant l'énigme qui colle. Il fait sauter les courageux et tomber les chaussettes quand il est lâché. Arme des potaches, des petites filles, il tient les cheveux. Et quand on a les couilles, on peut le dire. Hein, en général, on saute d'un pont ou d'une grue à l'aide de de ce qu'on cherche. La bonne réponse au 6322, des appareils photonumériques Samsung, des micro-chaînes Philips à gagner, des télé LCD, des places pour le parc Astérix ou encore des Nintendo Wii avec les jeux et les manettes qu'on vous file. C'est le pack Nintendo. Ça se passe maintenant, donc 6322, 1 euro le message, bonne chance. Dans un instant, on va appeler dans le Calvados en France pour essayer de trouver le billet de l'euro million que le gars a gagné il y a deux semaines, là, 160 millions d'euros. Il a toujours pas été touché son gain. Donc nous, on appelle pour rendre service. On fait ça après David Guetta maintenant et Saya, c'est Titanium sur Fun. Bon réveil. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Saya, c'était Titanium. 7h56 sur Fun Radio dans un instant Maroon 5. Et il y a Mirko qui nous dit par SMS, voilà tous les bus des dépôts de Montigny, Jumet rentrent au dépôt, c'est à Charleroi, suite à une agression par jet de pierre hier soir. Big up, merci Mirko pour l'info. Julie est toujours en train de fouiller l'info. Je suis au taquet là, j'attends que l'info tombe officiellement. Voilà, elle est au taquet de l'info, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci en tout cas Mirko pour... Bon, dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Mais avant cela, nous allons donc appeler de nouveau dans le Calvados. Puisque, bah, comme je vous l'avais dit, là, on a toujours perdu. Là, on perd le gagnant. Là, l'Euromillion, en tout cas, a fait gagner à un Français 160 millions d'euros à peu près. 162 millions. 162, bon, on n'est pas à 2 millions. Et, le mec, après deux semaines, n'a toujours pas été chercher son magot. Et c'est honteux parce que du coup, il lui reste moins de 5 semaines pour aller le rechercher. Bah, c'est ça, exactement. Bon, du coup, on va appeler ? Bah oui, on va appeler. On appelle immédiatement. On a appelé une bonne femme tout à l'heure, elle était plutôt disponible. Est-ce qu'on vient ? Elle a dit ok, ben je vous attends. Ouais, donc, elle a dit, elle nous payait le petit déj. Exactement, donc, ouais, pour l'aider à lui trouver à trouver le petit billet d'Euromillion perdu peut-être sous la commode, on ne peut pas savoir. Allez, on appelle direction la France. Ils avaient un accent tellement sympathique. Ah bah il y a rien à foutre moi. Il y a rien à foutre. Ah bah, ces conneries là. C'est bon. M'appeler comme ça à 8h du matin là. Il était 7h tout à l'heure, mais bon. Allez hop. Ça décroche bien évidemment. Évidemment. Bah, oui. Sinon j'ai un autre numéro. Ah bah ça va alors, on est sauvés. Non, parce que là c'est mal barré. Hein. Parce que tu composes déjà le prochain numéro. Bonjour, on n'est pas là tout de suite, mais à ce moment-là, rappelez plus tard, ou un peu plus tard, ou tout de suite. C'est dommage qu'on l'ait pas eu lui. Il hein. Faut le garder pour tantôt celui-là. Alors là. Je propose qu'on garde ce numéro sous le coup dès qu'on le rappelle tout à l'heure, effectivement. Ah, dis donc, il est bon lui. Ah, celui-là, par contre, t'es sûr que tu l'appelles dans le France, hein, parce que je ne suis pas dans le convaincu que tu l'appelles dans le France. Hein. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Oui, probablement. Peut-être oui. Oublié un 0033. 3, ah, je peut-être, pense. C'est oui. Peut-être ça. Ouais, il doit y avoir de ça, ouais. Parce que du coup, tu te retrouves en Flandre et forcément, là, c'est compliqué. Bon, allez, on en appelle encore, un maintenant. Mais le répondeur du mec, sans déconner. Il y a des gens qui ont des répondeurs hallucinants, surtout ce qui fait très très peur, ce sont les lignes professionnelles. Ah ouais. Donc, t'appelles des gens voilà, pour le boulot et ils ont des répondeurs, mais. Alors là, Ah, voilà, ça sonne. Allez, on y retourne. Puis, alors, l'info de Julie aussi, juste après. Enfin, l'info de Julie. L'info de Mirko. Mais je ne peux pas la confirmer, je n'ai encore rien. Ça va, allez, t'inquiète. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur ! Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà. Écoutez, je vous appelle parce que je suis à la recherche du fameux billet d'Euromillion, 262 millions. Oui. Oui, et voilà, je me disais que peut-être vous l'auriez égaré et que donc vous ne sauriez plus où vous l'avez mis. Et donc, si vous voulez, je peux passer aujourd'hui pour vous aider à le rechercher, hein, pour qu'on puisse le trouver ensemble. Ah. Allô, monsieur ? Je pense que nous allons. Elle est super motivée. Nous allons rappeler monsieur. Parce que... Oui, il était plus cordial tout à l'heure, hein, l'autre madame qu'on a eue par ouais, contre. C'est vrai. Ah ouais, je suis très déçu d'ailleurs. Ouais, on va c'est pas grave, on va le rappeler, on a été coupé, c'est dommage. Oh bah oui, dis donc. Bah attends, ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis très triste, j'ai même pas eu l'occasion d'intervenir. Je suis vraiment très triste. Parce alors, que maintenant tu interviens, tu vois. Bon, tout en entrant comme ça quand j'ai envie. Tu sais, il y avait un petit déj, j'ai 162 millions à trouver, alors j'interviens. Oui, là. C'est parce qu'il y a de la thune. Bah, c'est ça, ça hein. Pas les couilles. Moi je pars à Calvados là tout de suite, hein, s'il y a le billet. Je crois qu'on. On est. Ah ouais, je crois que c'est mort. Hein. Mais non. Si. Oui, allô ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc je voulais savoir comment. Oui, écoutez, ça commence à bien faire là, vous avez vu l'heure qu'il est là. Il est 8h. 8h du matin, monsieur. Oui, et vous êtes qui là ? Bah écoutez, je suis tof, mais ça ne va pas vous aider. Moi, je viens pour vous aider justement à retrouver ce fameux billet d'Euromillion perdu dans le Calvados. Bon, ça commence à bien faire. Là, dis-lui qu'on va débarquer. Hein. Bon, monsieur, on va débarquer pour chercher le billet là. Je veux bien un pain au chocolat. Hein ? Est-ce que vous pouvez nous préparer le petit déj ? On va venir vous aider à trouver le billet d'Euromillion. Ouais. Eh oui, 162 millions. Hein, monsieur ? Bon, vous arrêtez un petit peu là parce que là c'est agaçant quand même. Hein. Mais on va venir là. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est agaçant de perdre 162 millions, c'est quand même c'est gênant. Ça. C'est hein. Ça, ils sont cons quand même les gens de Calvados, non ? Je crois qu'il n'a pas trop apprécié. Oui, j'ai peut-être un petit peu emballé. Ah, oui. Tu l'as vexé là. Je l'ai vexé, ça arrive. Sans vexer. Bon bah tant pis, alors c'est pas grave. Dans un instant l'info, mais avant cela nous avons Léa qui est avec nous. Bonjour Léa. Allô ? Léa ? Es-tu là, Léa, pour la réponse à la devinette qui colle ? Léa ? Léa pas là ? Allô, Léa ? Mais elle est pas là, Léa ? Allô, Léa ? Bah oui, alors, qu'est-ce qu'elle bon, fait, bah, Léa ? Bon, bah tant pis, on y retournera dans quelques instants, alors, c'est pas grave. Hein. On donnera la réponse juste après l'info. Et juste après l'info, il y aura aussi Maroon 5 avec Christina Aguilera. Je perds ma voix, dis donc. Avec Moves Like Jagger sur Fun Radio. Restez bien sur Fun Radio car dans un instant nous rembourserons vos factures également. Facture 100% téléphone portable ce matin au 6322 en débutant le message par facture. Bonne chance. Et à 8h01, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, blocage chez GSK, la grève continue. Les syndicats et la direction se sont réunis une nouvelle fois hier soir, mais les négociations n'ont pas débouché sur un accord. Les discussions entre la direction du groupe pharmaceutique et les représentants des 2000 ouvriers qui travaillent sur les sites de production Rexensart, Wavre et Jean Blou, eh bien ces discussions portent sur le renouvellement de la convention collective interne à l'entreprise. Les ouvriers estiment que le contenu des propositions de la direction en matière de pouvoir d'achat et de plans de pension sont insuffisants. La Poste aurait licencié du personnel atteint d'un cancer, selon les journaux Sud-Presse ce matin. Eh bien, l'année dernière, 400 personnes en arrêt maladie ont été licenciées, des contractuels dont certains étaient absents pour traiter un cancer. Le syndicat CSC dénonce aujourd'hui un scandale et compte interpeller les responsables politiques. Un auditeur nous signale que les débus des dépôts de Montigny et Jumet rentrent au dépôt suite à une agression par jet de Père hier soir. Plus d'informations dans une demi-heure. En politique, le formateur Élodie Rupo et Yves Leterme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et communautés. Le Belge achète plus équitable. En quelques années, un demi-million de ménages se sont tournés vers le commerce équitable. Plus de 40% des ménages belges ont acheté au moins un produit en 2011. Contre 25% seulement il y a 3 ans. Le Belge se situe donc un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale et le consommateur moyen est âgé de 50 ans. Les billets d'avion coûteront plus cher en Europe dès 2012. Objectif, aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une décision imposée par l'Union européenne dans son espace aérien. Les compagnies aériennes desservant l'Union européenne seront donc contraintes en 2012 à payer un dédommagement pour 15% de leur émission de CO2 sur le trajet. Entre 2 et 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour. La décision d'imputer ce surcoût sur le billet, eh bien, elle appartient finalement à la compagnie aérienne. Vous avez toujours rêvé d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence en plein bouchon, eh bien, c'est bientôt chose faite en Flandre. La région Wallonne va autoriser pour la première fois l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence sur le 313 Anvers en direction de Liège, lors des heures de pointe afin de fluidifier le trafic. Grâce à une signalisation adaptée, la bande d'arrêt d'urgence sera ouverte au trafic quittant Anvers à partir de 15h. C'est un système qui existe déjà aux Pays-Bas. Enfin, en sport, des Belges mouillaient leur maillot hier soir sur la pelouse d'un terrain de football en phase de groupe de Ligue des Champions. Les joueurs Van Buyten et compagnie s'affrontaient lors du choc entre Manchester et le Bayern de Munich. Eh bien, c'est le Bayern de Munich qui l'a emporté sur Manchester City 2-0. La météo maintenant sur Fun Radio. Alors en détail, c'est un vaste anticyclone centré sur la Pologne qui déterminera favorablement le temps sur la Belgique. En bref, il va faire canon et jusqu'à 25 degrés pour le reste de la semaine. C'est toujours le soleil qui domine. Ça fait plaisir. Et dans 30 secondes, c'est l'info en plus sur Fun Radio. On vous remboursera vos factures aussi d'ici quelques instants. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Je vous rappelle que ce matin, on vous rembourse les factures de téléphone exclusivement. Donc bonne chance tout le monde. Fun Radio. Fun Radio. Alors, à 8h06, quelle est l'info en plus? Bon alors, ça se fait un petit peu moins pour l'instant, mais parfois on envoie des petites cartes avec joyeux anniversaire, ouais, prompt rétablissement, parfois même sincères condoléances malheureusement, ou félicitations pour la naissance d'un bébé. Et bien maintenant, il existe des nouvelles... Quoi? Non, je disais c'est pas l'inverse. Non, c'est pas l'inverse, Oui, ok. Il est bête. Et bien maintenant, il existe des nouvelles cartes qui sont un petit peu plus d'actualité, on peut le dire. Et bien, elles souhaitent bon chômage. Bah oui, mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin de le souhaiter, c'est toujours bien. Hein. On peut trouver des petites phrases comme par exemple « Ne pense pas que tu viens de perdre ton boulot » et puis par exemple aussi « Pense que c'est une pause entre deux imbéciles de patrons » ou alors « C'est dur de dire quelque chose à un moment délicat comme celui-là, mais que penses-tu de « C'est moi qui paye » ?» Donc voilà, il y a des petites phrases comme ça sympathiques. Tu vis sur mon dos. Le fabricant indique que voilà, c'est forcément pas les cartes les plus vendues, mais il pense que ça peut faire un carton à un moment donné. Bah pourquoi pas, ouais. Parce que l'humour, c'est quand même le plus important dans la société actuelle. Bah après, il faut voir si le mec a de l'humour, enfin, c'est ça le problème. Ouais, non, ouais. Puis je suis sûr que les mecs de chez Continental, ils auraient été contents de recevoir une carte comme ça de leur patron. Ça, c'est clair. Bon chômage. Ouais. 8h07 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, et nous allons prendre Mireille qui est avec nous maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Bonjour Mireille. Chez vous. Bonjour. Comment va Mireille? Elle va bien, elle est en pleine forme. Bah tant mieux alors. Mireille de Charleroi, donc 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Et où c'est la grève des techs aussi à Charleroi pour certains dépôts, en tout cas a priori. Oui. On vous tiendra au jus dès qu'on aura plus d'infos, bien sûr. Alors attention Mireille, pour repartir avec les cadeaux, il fait sauter les courageux et tomber les chaussettes quand il est lâché. Arme des potaches des petites filles, il tient les cheveux. Qui est-il ? Un élastique. Ben oui, un élastique, c'est tout simplement ça, la bonne réponse, effectivement. Bravo à toi. Oui. Eh bien, tu repars avec alors soit les appareils photonumériques Samsung, soit la microchaîne Philips, soit une télé LCD, soit le pack Nintendo Wii avec les jeux, les manettes et tout le bazar, soit des places pour le parc Astérix. Tu gères ça au standard, d'accord? Ça va, merci. Bisous à toi, à bientôt. Salut, ciao. Et dans un instant, on vous rembourse vos factures. Ça, c'est comme promis. Ce sera dans un instant 63-22. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et tout à l'heure, la petite question qui colle. Ça aussi, ça va arriver. 8h08. Les Maroon 5 et Christina Aguilera sur Fun. C'est Fun Radio, 8h11. Nous allons dans quelques instants rembourser les factures et nous allons également jouer tout à l'heure. Et oui, j'avais presque oublié d'en parler, tiens. Nous allons jouer avec l'opération Lenko cette semaine, puisque si vous vous inscrivez toute la journée au 63-22 également, ça nous rend le message avec le code Lenko. Vous repartirez peut-être avec un radio réveil, un écran plein, un lecteur DVD, une barre son, une tour iPod, mais aussi le micro-ondes, un mixeur, un percolateur, un four, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur. Et pour fêter le tout, bien sûr, un tire-bouchon électrique. On met même la musique avec un lecteur MP3 aussi dedans. Le tirage au sort aura lieu le lundi 3 octobre, mais attention, je rappelle que si vous êtes tiré au sort aujourd'hui, vous repartirez d'office avec le lecteur MP3. Et donc, ça c'est pour l'opération Pimp Your Cot, ou Pimp Your Apartment, en fait, tout simplement, parce que ça peut être l'appartement ou le cot, hein, après, hein, ouais, l'un dans l'autre, ça fonctionne. Ou Pimp Ton Chez Toi, si t'as pas l'un ou l'autre. Chez toi. Ouais, voilà, Pimp Ton Chez Toi également. Si vous voulez participer, 63-22, débutez le message par Lenko, et avant 9h, on appelle quelqu'un pour lui payer la déco, simplement, high-tech de son appartement ou de son cote. C'est un très bon plan. Allez, on paye des factures maintenant? Allez, on y va. C'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Allez, c'est chaque matin comme ça sur Fun Radio. On appelle quelqu'un au hasard. Et bah, quelqu'un au hasard, bien sûr, qui s'est inscrit au 6322. On lui pose la question qui... Avec la boîte à messages. Ah, c'est dommage. 0-4. Ah oui, c'est dommage. Bon, on a dû le poser qui paye les factures le matin. Et bon, bah, si elle répondait Mickaël ou Fun Radio, bah, c'était gagné. C'est une facture de combien, Toff? 40 euros de mobile viking. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir et merci. Ah, c'est dommage. Allô, bonjour, c'est Mickaël, tu étais en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture de 40 euros de chez Mobile Viking. Et donc, bah, malheureusement, tu ne décroches pas, ce qui veut dire que tu as perdu et c'est bien malheureux en tout cas. Bon, bah, tant pis, hein. Écoute, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, je te fais des gros bisous, passe une bonne journée quand même. Et puis, bon, bah, les autres, bah, vous pouvez remettre le couvert si vous le souhaitez, hein. On avait des factures là, Base 205 euros. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 110 euros pour la facture, 45 euros pour le téléphone, 84 euros, 75 centimes pour Mobistar. 128 euros pour Proximus, 93 euros pour Mobistar, qu'est-ce qu'il y a aussi, 335 euros pour la facture GSM, dis donc, Mobistar aussi. Ah, ils se font des couilles en or, hein, Mobistar, là, avec. Marche bien, ils ont des très très bons clients. Ah, trop bons clients même. Voilà, si vous voulez jouer, on remet le couvert à 9h10 et on ne choisit que ceux qui s'inscrivent entre maintenant et 9h10. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et côté son, on s'écoute Daddy Yankee maintenant avec Gasolina sur Fun Radio. Daddy Yankee à l'instant sur Fun Radio avec la gasolina tous les matins sur Fun Radio. Nous sommes là en direct avec vous toutes et vous tous, évidemment. Si vous voulez balancer vos messages, ils sont les bienvenus à 8h17 et Mickaël at funradio.be. Dans un instant, on jouera au grand jeu Lenko Pimp Your Cut. Cette semaine, c'est toute la semaine sur Fun Radio et toute la journée. Vous pouvez vous inscrire au 6322 en débutant le message par Lenko tout simplement. Et je vous avais promis aussi de vous poser la question qui colle ce matin. Alors attention, question qui colle, où est-elle? Je ne trouve plus. Ah voilà, c'est ça. Un travesti assassin et un violeur homosexuel se marient en prison. Mais que demande-t-il au directeur de la prison de Louvain? C'est la petite question qui colle de ce matin. Si vous avez une idée, 6322 également, on donnera la réponse après. Un travesti assassin et un violeur homosexuel se marient en prison. Mais que demande-t-il au directeur de la prison de Louvain? Bonne réponse au 6322, bonne chance tout le monde. Mais avant cela, c'est parti maintenant pour la deuxième édition de l'horoscope. Pas du tout, c'est pas les factures maintenant, c'est l'horoscope. Fun Radio, l'horoscope. Ah oui, j'étais un peu perturbé, Dodo. Hein. Bon, alors vous en êtes où dans le désenvoûtement de Julie, Dodo? Oh là là là là là là là là, c'est difficile. Oh là là, c'est pire que ce que je croyais. Il veut me faire manger un crapaud. Ah bah oui, mais c'est normal. Non mais qu'est-ce qui se passe avec Julie? Je sais pas, celui qui lui en veut à ce point, mais elle a des énergies noires partout autour d'elle, oh là là. Je comprends pourquoi son horoscope il est pas bon d'habitude. Mais c'est les filles qui sont jalouses parce que je travaille avec Toff et Mickaël. Mais ça doit être ça. Mais alors, vous allez pouvoir faire quelque chose ou pas? Oh là là là là là là, je sais pas si ça va être possible. Hein, là, oh là là, je sais pas. Peut-être je vais sacrifier un poulet pour la purifier. Ah, c'est-à-dire? Non. Bah, je vais lui faire une douche avec le sang encore chaud du poulet. Non. Ah. Non. Ok, pourquoi pas. Bon, voilà, non. Très bien. Non. On fera ça tout à l'heure dans les douches de Fun. Non. Bon, on va commencer par les... Qui me parle? Je comprends pas, j'entends quelqu'un, mais ça me... Les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'il arrive aux béliers? Ils vont perdre du pognon. Pas du tout. Ne vous fiez pas à votre chance au jeu, vous risquez d'être amèrement déçus. Bah, c'est un petit peu la même chose, ils vont c'est perdre ça, du pognon. C'est ça. Les taureaux. Réglez aujourd'hui encore les tâches importantes afin de pouvoir garder l'esprit libéré ce soir. Les gémeaux. Décompressez, la routine vous retrouvera plus rapidement que vous le pensez. Les cancers. Faites beaucoup d'exercices en plein air. Cela peut avoir des effets miraculeux sur vous. Ben, mais Julie ne veut pas venir faire du vélo avec moi, si vous voulez que je vous dise. Les lions. Vous n'avez aucune raison de rester inactif et de ne pas utiliser votre énergie dans un programme de fitness. Mon Dieu, je l'ai plein. Ah oui. Les vierges. Une balade à la campagne avec votre partenaire, vous serez des plus bénéfiques. Les balances. Parfois, ça aide de se retenir au lieu de provoquer une dispute avec votre partenaire. Les scorpions. Vous devriez vous préoccuper un peu plus de votre alimentation. Très bien, les sagittaires. Ne vous cassez pas la tête sur les problèmes de demain. Vous aurez bien assez de demain. Les capricornes. Tout va pour le mieux et professionnellement parlant, tous vos vœux vont être exaucés aujourd'hui. Les Verseaux, les avant-derniers. Oh là là, faites des économies, vous allez en avoir besoin. Ah oui, c'est toujours mieux, oui. Et enfin, les poissons. Mettez de l'ordre sur votre bureau, il y a peut-être des cadavres. Très bien, bah écoutez. Ok, parfait, merci beaucoup Doudou, on vous retrouve dans une heure. Ben oui, avec plaisir, moi je reviens quand mieux. Vous voulez. Dans un instant, la déclaration express, mais avant cela, évidemment, c'est Jean-Rock, Kate DeLuna et Florida qu'on écoute maintenant, c'est I'm Right. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Rock, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Le son de Jean-Rock à l'instant sur Fun Radio avec Kate DeLuna à l'instant, c'était I'm Right. 8h24 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite question qui colle, on donnera la réponse juste après la déclaration express. Tiens. Un travesti assassin et un violeur homosexuel se marient en prison, que demande-t-il au directeur de la prison de Louvain? On demandait que le directeur soit leur témoin. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous avez encore 2 minutes pour vous inscrire. Le temps de prendre Christophe qui est avec nous maintenant. Salut Christophe, 23 ans. Bonjour. Comment vas-tu Christophe? Ça va très bien, merci. Et vous? Bon, oui, ça va bien aussi. Ouais, Christophe, t'appelles d'où? T'es dans quelle ville là? De Namur. De Namur, ok, très bien. Bah, Sébastien Loeb était tout à l'heure d'ailleurs à Namur justement pour le réveil la Belgique. Christophe, oui, j'ai nous a... tu fais quoi dans la vie Christophe déjà? S'il vous plaît. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis toujours étudiant. D'accord. Et voilà, en fait je fais une déclaration express à ma copine qui est étudiante en médecine. D'accord. Et qui est partie voilà, donc à vivre pendant 6 mois en séminaire à Tournai. D'accord, ah ouais, génial, putain. Voilà. Ah ouais, c'est top. Voilà, bah, je vis dans son cote, donc voilà. D'accord, ok. Ah ouais, bah, moi je pars aussi avec l'école et tout, je pars vivre pendant 6 mois, où ça ? À tourner. Ah ouais, ça y en a, ils vont à Miami, New York, Boston, Dallas, bon, Dallas pas terrible, Los Angeles, etc. Mais non, lui, elle peut aller à tourner. À tourner. C'est bien aussi, hein. Voilà. Bon, elle s'appelle Célia, on va l'appeler maintenant. On va donc, bah, on l'appelle, hein. Tu lui dis, voilà, Célia, j'ai un truc à te dire, écoute. Et nous, on enchaîne derrière avec la déclaration express, d'accord ? D'accord, ok. Allez, c'est parti. Et si c'est le répondeur, tu dis, bah, c'est pas grave, hein, tu fais pareil, hein, tu dis que j'ai un truc à te dire, et puis nous, on enchaîne derrière, ok ? D'accord. Allez, c'est parti, on appelle. Oups, là, j'ai perdu. Voilà, je n'arrive pas à mettre les deux ensemble. Comment faire, Il faut que tu double-cliques sur Christophe, et puis que tu double-cliques sur... C'est bien. Ah, voilà. Allô, Célia ? Oui. Voilà, oui, mais c'est une nouvelle machine. Célia, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Célia est dans son lave-vaisselle. Oui, il y a beaucoup de bruit, hein, mais je crois que le problème vient plus de chez... de chez Célia. Bon, Célia, c'est Mickaël, on t'appelle pour la déclaration express avec Christophe. Tu connais Christophe ? Oui. Oui, on n'entend absolument rien, c'est un drame. Elle a tourné, hein. Mais oui, bah oui, ça doit être ça le problème, effectivement, oui. Bon, alors, écoute-moi bien. Écoute bien. Ah, voilà, on entend mieux. Célia, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Ah voilà, magnifique. C'était chez Christophe qui a un vacarme insupportable. Heureusement que Toff, quand même, gère le truc. Oui, c'est un nouveau matériel. Oui, dans 2 ans, tu vas commencer à comprendre comment tu peux t'en servir. Je tablerai sur 4-5. Hein. Enfin bon, bref, on est là pour une déclaration. Ouais, bah, j'ai plus envie de la faire. Pour une déclaration là. D'amour. Voilà, j'ai d'amour, plus envie de la faire. D'amour, non, d'amour. Voilà, voilà, Christophe voilà, veut faire une déclaration à sa chérie qui part à tourner. Et il a dit que tu pues et qu'il a envie de te plaquer, voilà. Salut, bonne journée. Allez, écoute cette déclaration. Voilà, c'est rien que pour toi. Écoute bien, Célia. Ah, il a refait sa même chanson, Duff. Parce que Lob est à Namur, donc forcément on l'enregistrait hier. Hein. Sauf si Duff s'est trompé. Non, non, c'est ça. Tu pars pendant 3 mois pour aller seulement étudier. Et pendant ce temps-là de ton appart, tu me laisses les clés. Depuis ces quelques jours, matin, midi, soir, je commande des pizzas. Hier après-midi, j'ai essayé de nettoyer. En glissant, j'ai chuté et une côte, je me suis pété. Personne n'est venu après mes cris. Pourquoi ? Oh bébé, tes voisins, c'est vraiment des chiens. Je suis encore poli, j'ai pas dit des lutins. Imagine s'il y avait eu feu chez toi. J'aurais cramé, toi ne sais pas. Et toutes les nuits, ta voisine, elle crie. Ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi. S'il te plaît, bébé, reviens-moi. J'en ai marre d'être seul chez toi. Oh, petite déclaration express de ce matin. Voilà, mignon. Célia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette commande de Christophe pour toi, Célia ? C'est gentil, mais il s'est blessé. Il s'est blessé, non ? Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il avait glissé. Ah oui, non, mais non. Non, non, c'est... ça c'est Lob qui invente des paroles. Oui, en fait, il s'est blessé. Comme tu es étudiante en médecine, il aimerait que tu viennes le soigner. Voilà. Voilà, en fait, le problème. Oh. Mais oui, comme il est très blessé, c'est son cœur qui est blessé. Mais oui, parce que pourrait laisser Christophe et sa machine à laver parler avec sa chérie. Non, mais parce que si on le met, ça, on ne peut rien entendre. Enfin, je veux bien essayer, hein, si tu veux. Oui. Tu es là, Christophe ? Ouais. Ah, tu vois, il est parti. Hein. Ah, c'est dommage, il a eu peur, il a eu peur. C'est pas grave. Célia, le principal, c'est que ça t'est plu. Je te fais des gros bisous, Célia. Merci à vous aussi. À bientôt, salut à toi. Bonne journée. Mais bonne journée à toi aussi. Gros bisous Célia et la déclaration express reviendra demain, bien évidemment, sur Fun Radio. La réponse également à la question qui colle. Donc, un travesti assassin et un violeur homosexuel se marient en prison. Oh, mais quel beau couple. Ben oui, c'est ça. Que demande-t-il au directeur de la prison de Louvain ? On proposait d'être son témoin, donc ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse au 63-22, 1 euro le message. Bonne chance. Dans un instant sur Fun, Nero. Voilà, qui se fait plaisir ici. Ouais. Avec Promises, ça va arriver dans un instant. Il y aura aussi les infos de Julie sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. 8h31 sur Fun Radio, soyez bienvenus, c'est Fun Radio, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et à la question qui colle, j'ai la réponse bien sûr. Un travesti assassin et un violeur homosexuel se marient en prison. Que demande-t-il au directeur de la prison de Louvain ? Eh bien, pas mal de réponses qui sont arrivées également. Alors, où est-ce qu'elle était celle-là ? De faire le curé, non pas du tout. Attends, c'est quoi ? Ils veulent tous les deux... Eh oui, c'est la bonne réponse, on va la prendre dans un petit instant. La nuit de noces dans la cellule d'isolement, ce n'est pas ça non plus. Ah, mais quelle... T'imagines, la nuit de noces, un assassin, un violeur ensemble. Ouais, c'est ça. De pouvoir sortir de la prison pour se marier dans une vraie église, non pas du tout. Ils demandent deux robes de mariée, c'est pas ça. De pouvoir partir en lune de miel, non plus, non plus, non plus. plus. Mais par contre, nous avons la bonne réponse maintenant. La lune de miel dans un pénitencier américain. Ah ouais, c'est trop ça. Bien. Ah bah partir en vacances, c'est bien. Nous avons Lucie qui est avec nous maintenant de Bruxelles. Salut Lucie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors Lucie, tu as la réponse à la question qui colle ? Une cellule commune. J'entends rien. Une cellule commune, elle a dit. Ah, parce que tu as ton téléphone dans ta bouche. Donc, la réponse, c'est quoi ? Donc, ils demandent une cellule commune. Exactement, ils veulent être dans la même cellule. Alors, on ne sait pas si ça a été accepté ou refusé pour l'instant, mais. Comme c'est mignon. On verra. En plus, c'est un tellement beau couple. Ah oui, je rappelle que c'est un violeur et un assassin. Oui, c'est ça. Attention. Il y a donc les deux détenus. Donc, l'auteur d'un triple meurtre et travesti, qui s'appelle Rick, 51 ans, et son conjoint, le violeur, Mike, 26 ans, qui demande à partager la même cellule. Parfait. C'est quand même le couple. Autant qu'on le mette ensemble. Ah, le couple du futur. Hein, ça, c'est... Ils vont être bien tous les deux. Ils vont être bien. Bon, en tout cas, bravo à toi, Lucie. Tu repars avec les cadeaux, je te renvoie au standard, d'accord ? Merci. Bonne journée, Lucie, à bientôt. Et nous sommes en retard, il est 8h33. Info maintenant avec Julie. Salut à tous. Le trafic des bus est perturbé à Charleroi. Les conducteurs protestent contre leurs conditions de travail. Hier soir à Gilly, un bus DTEC a essuyé des jets de pierre. C'est la deuxième fois que cela arrive cette semaine et les faits se sont produits pratiquement au même endroit. C'en est trop pour les chauffeurs qui ont décidé ce matin de cesser partiellement le travail. La situation est un petit peu confuse, mais il semble que le mot d'ordre soit en train de se répandre au sein des dépôts Carolo. Demain, l'armée va définitivement fermer une de ses casernes et dissoudre vendredi une unité médicale en application du plan de crème de restructuration. C'est le quartier de Bourg-Léopold dans le Limbourg qui va fermer, tandis que l'élément médical d'intervention de Destenbergen en Flandre orientale sera pour sa part dissous vendredi. Et d'ici la fin de l'année, l'armée doit encore abandonner le 30 novembre l'aéroport de Biarritz. Blocage chez GSK, la grève continue. Les syndicats et la direction se sont réunis une nouvelle fois hier soir, mais les négociations n'ont pas débouché sur un accord. Les discussions portent sur le renouvellement de la convention collective interne à l'entreprise. Les ouvriers de l'entreprise estiment que le contenu des propositions de la direction en matière de pouvoir d'achat et de plan de pension sont insuffisantes. La Poste aurait licencié du personnel trop souvent malade. L'an dernier, 400 personnes en arrêt maladie ont été licenciées, des contractuels dont certains étaient absents pour traiter un cancer. Le syndicat CSC dénonce aujourd'hui un véritable scandale et compte interpeller les responsables politiques. Et justement, en politique, le formateur Elio Di Rupo et Yves Leterme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et aux communautés. Le Belge achète plus équitable. En quelques années, 500 000 de ménages se sont tournés vers le commerce équitable. Plus de 40% des ménages ont acheté au moins un produit en 2011, contre 25% seulement il y a 3 ans. La Belgique se situe un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale. Les billets d'avion coûteront plus cher en Europe dès 2012. Objectif: aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique qui est imposé par l'Union européenne dans son espace aérien. De 2 à 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour. La décision d'imputer ce surcoût sur le prix du billet appartient finalement à la compagnie. Et puis enfin en sport, football en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les joueurs belges Van Buyten et compagnie s'affrontaient lors du choc entre Manchester City et le Bayern de Munich. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le Bayern de Munich qui l'emporte 2-0. 8h35 sur Fun Radio, c'est la météo. Eh bien, merci à l'anticyclone centré sur la Pologne. Il va encore faire canon aujourd'hui jusqu'à 25 degrés. Et pour le reste de la semaine, c'est toujours le soleil qui domine. Très bien, bonne nouvelle. Et puis nous allons maintenant passer à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Quelle est l'info en plus ? Alors on se demande un petit peu où est passé le fameux gagnant de l'Euro Million. Je parle bien sûr de ce joueur français qui habite dans le Calvados, qui a gagné 162 millions d'euros, enfin et des poussières. Hein. Oui, on va pas dans le détail. Hein. Voilà, il a gagné le 13 septembre, cette somme hallucinante, et il n'a toujours pas réclamé son gain. Alors la Française des Jeux lui rappelle qu'il dispose de 60 jours. Donc ce gagnant aussi, il réclame son gain, et quand même il va taper à la 250e place des plus grosses fortunes françaises. Et alors juste pour se faire encore un petit peu plus mal, la super grosse cagnotte, le record absolu de gains à l'euro-million s'élevait à 185 millions d'euros. Il avait été gagné le 12 juillet par un couple d'Écossais au Royaume-Uni. Un couple qui s'était d'ailleurs exposé. En général, ils veulent garder l'anonymat, mais non pas eux. Ils avaient fait la fête devant les médias sans problème. Et ce couple qui a gagné 185 millions d'euros a quand même été propulsé parmi les 430 plus grandes fortunes britanniques devant le batteur des Beatles, Ringo Starr, qui ne doit pas être tout pauvre non plus. C'est clair. Bon, d'ailleurs, on appellera tout à l'heure dans le Calvados en France pour essayer de retrouver le billet d'euro million. Il faut trouver ce billet de ce joueur français qui a gagné 162. Parce que si lui n'en veut pas, moi je les veux bien. Il n'y a pas de problème. Même un petit million d'euros, je veux bien. Dans un instant, Nilo avec Promises. Et puis, toujours pour gagner des appareils photo numériques Samsung, des micro-chaînes Philips, des télévisions LCD, des places pour le parc Astérix ou encore le pack Nintendo Wii avec des jeux à l'intérieur et deux télécommandes. Hein. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, il est le point de départ. Sans mener nulle part, terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. Qui est-il ? Facile. En général, on se fait défoncer par les parents quand on ramène une note pareille. Il est le point de départ, sans mener nulle part. Terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. Qui est-il ? 63-22, c'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Et oui, et on vous appelle peut-être dans moins de 20 minutes pour vous offrir les cadeaux que je vous ai annoncés. Juste si vous avez la réponse à la devinette qui colle. Bonne chance. 63-22, un euro le message. Et Niro qu'on écoute maintenant à 8h38, c'est Promises. Niro sur Fun Radio avec Promises, 8h41. Je vous rappelle la petite devinette qui colle là pour repartir avec un des cadeaux que vous osez pouvoir choisir. Appareil photo numérique Samsung, micro-chaîne Philips, télé LCD ou alors le pack Nintendo Wii avec le jeu Wii Sport, le jeu Wii Sport Resort Plus, la télécommande Wii Plus noir ou encore le Nunchuck noir. Et alors aussi ta possibilité de repartir avec les places pour le parc Astérix. Mais ça vous gérerez bien sûr, vous verrez avec quel cadeau vous voulez repartir. On écoute maintenant, enfin plutôt vous, la petite énigme qui colle, écoutez bien. Il est le point de départ, sans mener nulle part, terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. Qui est-il ? On peut donner la réponse en chiffres ou en lettres. J'accepte les deux. Ne me remerciez pas, je suis trop bon. Ma bonté me perdra certainement bientôt. Voilà. Je sais comment le dire. Ben, comme ça. 63-22 si vous avez donc la bonne réponse. Et nous allons maintenant jouer avec je ne sais pas avec qui, mais on va l'appeler en tout cas. Celui ou celle qui s'est inscrite là pour l'opération Lenko. L'opération Lenko, c'est la possibilité de repartir avec d'énormes cadeaux puisqu'on relook votre cote ou votre appartement, ça peu importe. Hein. Si maintenant cette personne décroche, elle repartira d'office avec un lecteur MP3. Et lundi, peut-être qu'on fera un tirage au sort. Enfin, on va faire un tirage au sort. Oui, c'est peut-être. Ça, peut-être qu'on va le garder pour nous, on sait pas. Pour repartir avec un écran plat, lecteur DVD, barre de son, tour iPod, micro-ondes, mixeur, allô, percolateur, four, friteuse, etc., etc. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Alison. Bonjour. Tof, non, même pas en rêve. Non. C'est dommage que. Pas cette vanne de 1990. Ah ouais, je l'ai en tête aussi, non. T'as vu, Alison, moi j'étais prêt, je t'ai sauvé, Alison, de cette vanne qu'on a dû te faire au moins 100 000 fois. Oh, c'est gentil. Mais je t'en prie, écoute, vraiment ça me fait plaisir. T'as quel âge, dans c'est quelle ville, grave, on sera Alison copains au standard. Ouais. Annaline, j'ai 28 ans. T'as 28 ans et t'es où ? J'ai pas entendu. Annaline. À Malines, c'est ça ? Naline. Ah, Naline. Bah, c'est comme Maline, mais sans la M, quoi. C'est avec un N, quoi. Et merci c'est pour ça, oui. Voilà. Mais écoute, je t'en prie, moi aussi je peux rendre service sur la géographie. Ma vanne avec copain était plus drôle. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, alors Alison, tu t'étais inscrite pour qu'on relook ton cote ou ton appartement. T'es en quoi ? T'as un appartement en cote ? Un appartement. En appartement, bah, c'est Pimp Your Apartment. Voilà, ça, c'est mieux cote, hein, pour le coup. Tu mais bon. Vis seule, Alison, dans cet appartement ? Ouais, non, t'inquiète pas. Ouais, mais elle veut pas vivre avec toi, Tof. Non, j'allais juste faire l'installation. Ah ouais, c'est ça, ouais. Yeah. Ah ouais, non, mais là, tu bonjour, dans un film. Oui, bonjour, madame. Je viens pour installer le téléviseur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez du liquide ? Enfin, on va arrêter là, hein, les gars. Bah, 8h43. Bah, c'est pour le paiement, c'est pour le pourboire. Oui, bien sûr. C'est toi qui as l'esprit tordu, c'est quand même exceptionnel, ça. Moi, l'esprit tordu. C'est dingue. Bon, c'est à force de bosser avec vous. Hein, Alison, tu repars quoi qu'il arrive avec le lecteur MP3, ça s'est plié. Et peut-être que lundi, on t'appellera en direct dans Mickaël à la radio pour t'offrir, comme je le disais, donc la totale pour relooker ton appart, l'écran plat, le lecteur DVD, le radio réveil, la barre son, une tour iPod, aussi le micro-ondes, le mixeur, le percolateur, un four, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur et bien sûr, pour fêter tout ça, un tire-bouchon électrique et ça fait plaisir. Voilà, Alison. Je te fais des gros bisous et peut-être à lundi. Oui. À bientôt, Alison. Salut. Et puis restez bien là dans un instant. On parle bien sûr du trafic. On parle également de la ligne anti-relou. Tout ça, c'est après le son de Mani Stoop avec Yaz de Mac. la reprise de Mark Morrison dans les années 90. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 8h49 sur Fun Radio, passons maintenant à l'info trafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Prudence, objet encombrant sur le 42 Bâtisse en direction de Verviers. Eh bien, c'est la bande du milieu qui est obstruée au kilomètre 57 par un gros objet non identifié. Mais il y a un gros objet non identifié qui est sur la route, donc faites attention, voilà, évidemment. Et puis, objet encombrant également sur le 314 Lumen en direction de Leuven à hauteur de Beckevoort. C'est d'accord. La bande de gauche qui est obstruée par un pneu. Eh bien, donc faites attention, en effet. On me signalait également un problème sur la E40, mais j'ai perdu le message, malheureusement. C'est bien dommage. Et donc, ça, c'est bien malheureux. Ouais, bah, il y a un problème sur la E40 quelque part. Super. Voilà. Ah, donc faites attention. Dites-nous quoi. Voilà. Ouais, donc faites gaffe, on sait jamais. Allez, on enchaîne maintenant avec la ligne anti-relou. Les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et tous les matins, c'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. La ligne anti-relou est là pour vous avec les meilleurs messages laissés au 0-473-86-00-13. C'est le numéro de la ligne anti-relou à retenir par cœur. Pourquoi ? Je vous explique. Car vous tombez forcément, impérativement, tout le temps sur des relous, les filles. Hein. Et donc forcément, bah, c'est un numéro que vous allez pouvoir donner comme joker. C'est-à-dire que quand le mec va vraiment être relou, vous allez dire, écoute, bon là, j'ai pas le temps, mais je te donne mon numéro de téléphone, appelle-moi demain et on se voit. Le mec va être ravi parce qu'il aura cru avoir fait la bonne affaire. Sauf qu'en fait c'est un échec total, mais ça il ne le sait pas. Du coup il va appeler le numéro de la ligne anti-relou et puis nous on les récupère, comme par exemple celui-ci. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter concernant l'annonce. Vous laissez paraître, donc oui. Je vous laisse le numéro 056, quand vous m'avez demandé Patrick. Merci. Oui, bonjour. Patrick le beau cochon. Vous avez laissé. Probablement une annonce un petit peu chaude, à mon avis. Vous avez laissé l'annonce. Je vous appelle par rapport à la petite annonce. Merci de me rappeler. Je suis disponible. Bien sûr. Allez, mais deuxième. Il dit tout ça avec un air très droit, comme ça, très oui. Carré. Mais c'est parce qu'il est. Peut-être qu'il montre qu'il tient la baguette, qu'il... le fouet, pardon. Qu'il tient le fouet et que. Peut-être. Tu vois. Oui. C'est possible. Et allez, ouais. Deuxième message. Oui, Katia, c'est Adine. Bah écoute, tu m'as fait une demande d'amis. Ça fait un moment qu'il fait une demande d'amis. Tu me supprimes, tu me rajoutes, donc je ne sais pas qui es-tu. Et si je me suis permis de te téléphoner pour voir si on peut faire connaissance, parce que je ne sais pas qui es-tu vraiment. Tu peux me rappeler à ce numéro-là, s'il te plaît, merci. Bien, je m'envoie un SMS. Allez, bisous. Ça va, relou. Allez, plus ou moins poli. Oui, relou, ça va. Ouais. Ouais, relou, écoute, ça si la fille joue un peu aussi avec ses pieds en acceptant ses demandes d'amis sur Facebook, en supprimant, en acceptant, bon. Elle se fout un peu de sa gueule. Elle il faut se dire. Fout un petit peu de sa gueule, oui. Et enfin, le dernier. Non. Allô, tu es Freddy. Voilà. Bon. Ok, donc c'est très très bref quand même. Ouais, bah très bref, mais on n'a pas compris ce qu'il a dit, mais bon, c'était bref. Hein. 8h52 sur Fun Radio, la ligne anti-relou reviendra bien sûr demain à partir de 6h du mat. Retenez bien le numéro 0473-86-0013. On va écouter Man, Snoop Dogg et Yaz dans un instant sur Fun. Mais avant ça, je vous rappelle donc la petite devinette qui colle une dernière fois pour repartir avec soit les appareils photo numériques Samsung, soit les micro-chaînes Philips, soit la télé LCD, soit le pack Nintendo. De Wii avec des jeux, la console également, oui, la console évidemment, et les manettes, ou alors des places pour le parc Astérix. Oula, dis donc, il y a eu un petit Roland là. Un petit oui, sur le petit déjeuner qui remonte. Non, j'ai pas pris le petit déj encore. Très gentil pour les détails. Il est le point de départ, sans mener nulle part. Terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. Qui est-il ? Petit indice, ça peut se donner en chiffres, on lettre la réponse. Et deuxième indice, Fanta, Coca, Sprite, Iced Tea. Same taste. Oui, sans sucre. No sugar. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message, bonne chance. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Fresh. Le son de Man avec Snoop à l'instant sur Fun Radio et Yaz aussi d'ailleurs, c'était The Mac. Dans un instant, c'est Britney, il y aura l'info aussi avec Julie bien sûr. Et nous donnerons la réponse dans à peu près 10 minutes là pour la petite devinette qui colle, bien entendu. Hein. Il est le point de départ, sans mener nulle part. Terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. Ça peut se donner en chiffres ou en lettres la réponse. Et donc, comme je le disais, Coca, Fanta, Sprite, Iced Tea, same taste, no sugar. Oui. Voilà. C'est pas exactement le slogan, mais je pouvais pas dire le slogan, sinon il y a le nom dedans, évidemment. Oui, évidemment. Bah, c'est ça. 8h57 sur Fun Radio, je vous rappelle qu'il y a toujours personne qui a gagné à l'euro million en France, dans le Calvados. 162 millions d'euros. Voilà, et qui n'a toujours pas été chercher son gain, cette espèce d'idiot. Et donc, bah, du coup, depuis ce matin avec Toff, on essaye d'appeler des gens dans le Calvados en France pour bah, leur filer un coup de main. Quoi, bah, parce qu'on est gentil au final. C'est ça, moi je pars à la recherche de ce ticket perdu, de ce billet abandonné. Mais tu as remarqué que ce matin, nous partons à la recherche. Oui, oui, j'ai remarqué. Ouais, ouais. Je viens aussi. Oui, je me sens moi seul. Accompagné, mais c'est normal. Bon, allez, on appelle de nouveau dans le Calvados. Premier appel, ça s'est bien passé. Elle a accepté la bonne femme qu'on vienne l'aider à trouver le billet. Deuxième, par contre, il était vachement aigri. Hein. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Là, par contre, on a oublié de parler du deuxième. Deuxième appel, on est tombé sur un répondeur aussi très sympa. Le rappelons immédiatement. Je n'avais rien compris. C'était drôle. Ah, c'est occupé. C'est dommage. C'est une fausse manipulation. Bah oui, on va rappeler directement. C'est parti. Hein. Ouais, si on pouvait avoir le mec qui avait fait le message sur le répondeur il y a une heure pour ceux qui étaient avec nous. Oh, c'était quelque chose. Hein. Ah non, lui, il était grandiose. Et d'ailleurs, oui, bon, on va le rappeler. Avec un peu de chance, on va retomber sur ce répondeur, mais c'était juste exceptionnel. Tu sais que je n'ai même pas compris ce qu'il a dit tellement c'était improbable. Ah non, moi non plus, je n'ai pas. Improbable. Bon, allez, c'est parti. On y va. On appelle. On rappelle plutôt. Faut quand même aider à trouver son billet d'euro million quand même. Son argent. Bah oui, ce serait malheureux. Par contre, ça ne décroche pas. Enfin, ça ne téléphone pas. Mais si, c'est juste que c'est un peu long. Donc on appelle le même là. Oui, oui, nous appelons Super Répondeur. Super Répondeur. Alors, écoutez bien pour ceux qui n'étaient pas là il y a une heure. Ah. Oui, bonjour monsieur. Allô. Allô. Oui, vous m'entendez? Allô, allô. Allô. Oui, vous êtes là? Ouais. Ah oui, parce que j'avais peur que vous ne soyez pas là. Voilà, je vous appelle au sujet de l'euro million. Vous êtes au courant? Je pense qu'on réveille monsieur là. Vous êtes aussi bon que sur votre répondeur. Ouais. Allô, allô. Ouais. Oui, voilà, donc je vous appelais au sujet de l'euro million. Vous savez, l'euro million, les 162 millions. Et pourquoi vous appelez un inconnu? Pardon? Pourquoi vous appelez un inconnu? Parce que ça, ce sont des choses qui se font de nos jours d'appeler en inconnu. Parce que tu veux pas donner ton vrai numéro. Pourquoi, t'es de la police? Oui, voilà, vous me recherchez? Hein? Non. Ah bon? Ah, parce que nous on va arriver là. Pourquoi t'appelles un inconnu? Eh, dis donc, nous on va arriver, on va venir te filer un coup de main, alors prépare le petit déj au lieu de râler là. Non, mais c'est fini ou quoi? Hein, tu vas te sortir ton cul du lit, puis on va y aller. C'est quoi l'adresse? Hein, bon alors reste calme, on a ton adresse, on a tout de toute façon là. Hein, on va venir essayer de retrouver le billet de l'euro million, alors t'as intérêt à nous le donner directement, t'as compris? Ouais, bah viens. Ouais, bah je vais venir, bah justement, compte dessus là. Et tu peux demander à ta mère de nous préparer le petit déj, t'as compris? Mais quelle agressivité. Hein? Et maintenant tu vas dire. N'habite pas avec moi. Ah bah j'en ai rien à foutre. Maintenant tu vas dire que tu t'excuses, ok? Non mais alors. Non mais dis. Allô? Ah oui, parti. Ah oui, ça tu l'as vexé aussi. Mais t'agresses les gens, Michael, le pauvre. Mais oui, bien sûr. Ah oui, j'agresse les gens, bien sûr. Bien sûr. J'aime agresser les gens de bon matin. Attends, tu peux le rappeler juste pour espérer tomber sur son répondeur? Bien sûr. Parce que là peut-être qu'il va râler, donc du coup il décrochera pas si on peut tomber sur. Visiblement c'était le répondeur de papa, hein. Ouais, parce qu'il avait pas la même voix. Hein. Bon, non, il a peut-être pris une voix, tu sais, d'un film ou ce genre de choses, ça se fait encore. Ouais, mais avec cet accent-là, franchement, je plains l'acteur. Hein. Ah, oui. Parce que là, quand même, c'était dur. Hein. Oui. Bon, dans un instant, il y aura l'info aussi avec Julie. On est en retard, mais en fait, de toute façon, on est en retard depuis 1h30, donc. Voilà, on ne se plus formalise plus. Oh, bon, on est plus dans le détail maintenant. Hein. Allez hop, on rappelle. S'il pouvait ne pas décrocher, ce serait bien. Pour une fois qu'on demande de ne pas décrocher, ce serait cool. Tu rembourseras les factures aussi après. Hein. 63-22, débuté par facture. Avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Ça nous rend le message. Et on vous appelle dans moins de 10 minutes. Tu vas voir qu'il va décrocher pour nous emmerder, tu vas voir. Alors écoutez le répondeur, c'est du caviar. Ah voilà. Bonjour, on n'est pas là tout de suite. À ce moment-là, un peu plus tard ou tout de suite. Voilà. Fin de votre message. Oh, il est voilà, c'est ce qu'on voulait entendre et on l'a eu. Merci voilà à lui. Voilà le message du répondeur de ce charmant jeune homme dans le Calvados en France. C'était magnifique. Ouais, ils sont sympas dans le Calvados. Ah, ils sont sympas. Bon, restez bien là dans un instant, c'est l'info. Il y aura aussi Britney Spears. Avec I Wanna Go Sur Fun. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de lac dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Il est 9h03 sur Fun Radio. Un petit info trafic aussi. Ralentissement entre Barchon et l'échangeur de Loncin en direction de Liège. Voilà, c'est Karim qui nous a envoyé l'info. On passe à l'info justement maintenant avec Julie. Salut à tous. Grève des bus à Charleroi. Hier soir à Gilly, un bus d'ETEC a essuyé des jets de pierre. C'est la deuxième fois que cela arrive cette semaine. Et les faits se sont produits pratiquement au même endroit. C'en est trop pour les chauffeurs qui ont décidé ce matin de cesser partiellement le travail. La situation est un petit peu confuse, mais il semble que le mot d'ordre soit en train de se répandre au sein des dépôts Carolo. Demain, l'armée va définitivement fermer une de ses casernes et dissoudre vendredi une unité médicale en application du plan Docrem de restructuration. C'est le quartier de Bourg-Léopold dans le Limbourg qui va fermer demain, tandis que l'élément médical d'intervention de Destelbergen en Flandre orientale sera pour sa part dissous vendredi. D'ici la fin de l'année, l'armée doit encore abandonner l'aéroport aussi de Bierzé. Blocage chez GSK, la grève continue. Les syndicats et la direction se sont réunis une nouvelle fois hier soir, mais les négociations n'ont pas débouché sur un accord. Les discussions entre la direction du groupe pharmaceutique et les représentants des 2000 ouvriers qui travaillent sur le site portent sur le renouvellement de la convention collective interne à l'entreprise. Les ouvriers estiment que le contenu des propositions de la direction en matière de pouvoir d'achat et de plan de pension sont insuffisante. La Poste aurait licencié du personnel trop souvent malade. L'an dernier, 400 personnes en arrêt maladie ont été licenciées, des contractuels dont certains étaient absents pour traiter un cancer. Le syndicat CSC dénonce aujourd'hui un véritable scandale et compte interpeller les responsables politiques dès que possible. Et puis justement en politique, le formateur Elio Di Rupo et Yves Le Terme se rencontrent aujourd'hui pour discuter du budget 2012. Ensuite, les 8 partis qui négocient se retrouveront pour discuter des transferts de compétences aux régions et aux communautés. Le Belge achète plus équitable. En quelques années, un demi-million de ménages se sont tournés vers le commerce équitable. C'est bien plus qu'il y a 3 ans, selon les derniers sondages. La Belgique se situe un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale et le consommateur moyen est âgé de 50 ans. Les billets d'avion coûteront plus cher en Europe dès 2012. Objectif, aider les compagnies aériennes à financer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique imposé par l'Union européenne dans son espace aérien, de 2 à 12 euros pour un vol, soit un surcoût de 4 à 24 euros pour un aller-retour. Et puis enfin en sport, des Belges mouillaient leur maillot sur la pelouse d'un terrain de football hier. En phase de groupe des Ligues des Champions, les joueurs Van Buyten et compagnie s'affrontaient lors du choc entre Manchester City et le Bayern de Munich. Et bien c'est le Bayern de Munich qui l'emporte 2-0. 9h06 sur Fun Radio, la météo. Merci à l'anticyclone situé sur la Pologne. Il va encore faire canon sur notre pays aujourd'hui jusqu'à 25 degrés. Et pour le reste de la semaine, on annonce toujours un beau et franc soleil. Quel beau temps pour aller faire un petit peu de vélo et profiter de l'extérieur, Julie. Ouais. J'avais invité Julie à venir manger, elle a refusé ce midi. Bah oui, parce que tu vois, moi je travaille. C'est bizarre. Hein. Allez, c'est reparti. Bon, moi, allez, c'est reparti. Ouais. Cette excuse facile. Vous cherchez un portable, un smartphone? Dans un instant, on rembourse aux factures pour la dernière fois ce matin. Les factures téléphone ce matin étaient à l'honneur. 6322 en débutant votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. 200 euros là pour le téléphone en l'occurrence. 467 euros facture Mobistar, la violence. Comment est-ce qu'on peut arriver jusque là? Ah ouais, la violence. 55 euros pour Base, 78,96 pour le GSM, 73 euros pour Mobistar, c'est Rebecca. Et si vous aussi, vous voulez tenter votre chance, donc 6322, code facture. L'info en plus, Julie. Alors, ça se fait un petit peu moins pour l'instant. Enfin, notre génération, on voit plus de SMS que d'envoi de cartes. Mais les cartes, genre pour souhaiter un joyeux anniversaire ou alors un prompt rétablissement ou même parfois félicitations pour un enfant, ces cartes qu'on peut envoyer, eh bien maintenant, il y a une nouvelle série de cartes qui est arrivée sur le marché, en tout cas aux États-Unis. Elles souhaitent. Ça m'étonne pas que ce soit là-bas, tiens. Bon chômage. Moi, c'est ça. Bah, bon chômage. T'es dans la merde, hein. T'as plus d'assurance maladie, bah crève. Alors, il y a le genre de phrase comme ne pense pas que tu viens de perdre ton boulot, pense plutôt que c'est une pause entre deux imbéciles de patrons. Ou alors, c'est dur de dire quelque chose à un moment délicat comme celui-là, mais que penses-tu de C'est moi qui paye? Oui, c'est une idée aussi, oui. C'est ce genre de petite carte un petit peu rigolote. Alors, celui qui a lancé ce concept, bon, forcément, il avoue que c'est pas les cartes qui sont les plus vendues, mais quand même qu'il pense que ça peut avoir son petit succès parce que de nos jours, avoir de l'humour, c'est quand même plus important que jamais. C'est vrai, mais c'est vrai, pourquoi pas? C'est à tester en tout cas. Hein. Ah bah oui. 9h08 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'horoscope avec l'ami Doudou, bien évidemment, comme chaque matin. Et dans. Bah, on va se mettre le son de Britney Spears aussi maintenant. C'est I Wanna Go sur Fun Radio avec l'énigme qui colle et la réponse. Elle arrive également juste après. On paiera vos factures sur Fun Radio. Britney Spears sur Fun Radio, c'était I Wanna Go, 9h12, bienvenue tout le monde. Mickaël, c'est quoi la fréquence pour Profondeville? C'est important, sinon on travaillera sans fun. Alors, il n'y a pas de fréquence à Profondeville, mais par contre, tu peux essayer la fréquence de Namur, c'est 107.5, ou la fréquence de Dinan, 106.6, ou même celle de Charleroi, 103.5. Voilà, normalement, tu devrais capter une des trois. Peut-être même les trois, qui sait. 9h12, nous allons maintenant payer les factures. Et oui. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio chaque matin, 7h10, 8h10, 9h10. On appelle en direct chez vous. Si vous décrochez le téléphone et que vous répondez bien à la question que je vous pose, c'est-à-dire qui vous paye vos factures tous les matins, eh bien, vous repartirez avec l'intégralité de la facture. Allez hop, c'est parti. On rembourse combien, Tof? 63,54 €. Bon, en tout cas, on va tenter de rembourser combien? Nous verrons. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Qui te paye tes factures tous les matins? Manu sur Fun Radio. Ah non, non, c'est Mickaël sur Fun Radio. Manu, c'était l'année dernière. Oh, mais c'est pas grave, on va te rembourser quand même parce que c'est vrai qu'il est, il est quand même officier 3 ans, etc. Donc c'est normal qu'on puisse se tromper, c'est pas grave. Les gens n'ont pas encore compris que tu t'appelles plus Manu. Mais il n'y a pas de problème. Comment tu t'appelles? Tiffany. Tiffany, t'es dans quelle ville? Tu as quel âge? J'ai 25 ans et je suis à 16 ans. À Saint-Josse, d'accord, donc c'est à Bruxelles, 104.7. Alors Tiffany, tu veux qu'on te rembourse combien et c'est 40, non je sais plus, 60 euros 54 apparemment, c'était pour la facture téléphone. Non, c'est pas un téléphone, c'est parce que comme je viens d'accoucher. Ah bon, bah c'était spécial téléphone. Enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas. Ah, bah voilà. Ah bah non, t'as perdu. Non, mais non, bah on va là. Ah, tu viens d'accoucher, donc Tof, t'es plus intéressé, du coup. Non, bah du coup, bon, attends, on va rappeler quelqu'un d'autre, je suis désolé. Hein. Voilà, bon, non, mais y a pas de problème. Bah écoute, je te fais des gros bisous quand même et tu restes au standard, on va te rembourser, on va t'expliquer comment ça marche, ok? Merci beaucoup. Salut, gros bisous, à bientôt. Au revoir, oui. Ciao à toi. Et puis on met le couvert, évidemment, dès demain, hein, entre 6h et 9h30. Gros bisous, Tiffany. 63-22, débutez le message par facture. Vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, tout au long de la journée. Et dans un instant, le son David Guetta sur Fun Radio avec Without You. L'horoscope de 12, ça va arriver aussi dans un instant. Et la réponse à la devinette qui colle, c'est juste après ça sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier? Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. David Guetta sur Fun Radio avec Without You. Ah oui, c'est beau. Magnifique. C'est tellement beau. 9h19 sur Fun Radio, nous passons maintenant à l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope avec Doudou. Ben, l'horoscope avec notre ami Doudou. En effet, je n'osais pas il le dire. Il veut faire manger des crapauds. Oui, bah ça c'est ce qu'il était. Il en était question tout à l'heure. Hein. Ah, ouais. Bon, alors Doudou, l'horoscope. Oui. On va commencer par les béliers. D'accord, alors on va commencer par les béliers. Alors les béliers, ils sont où les béliers? Ils sont là, les béliers. Allez, on y va. Alors ne vous fiez pas à votre chance au jeu. Vous risquez d'être amèrement déçu. Oui, aïe, oui, aïe. Oui. Eh oui. Bon, alors, les taureaux maintenant. Réglez aujourd'hui encore les tâches importantes afin d'avoir l'esprit libéré ce soir. Très bien, les cancers. Les Gémeaux, non, on ne les fait pas aujourd'hui. Ah oui, pardon, les Gémeaux, autant pour moi, j'avais omis les Gémeaux. Non, non, on ne fait pas de Gémeaux aujourd'hui. Si, on va les faire. Les Gémeaux, décompressez la routine, vous retrouvera plus rapidement que vous ne le pensez. Voilà, les cancers. Faites beaucoup d'exercices en plein air, cela peut être bénéfique et miraculeux pour vous. D'accord. Les Lions. Hein, donc allez en courant à votre autre travail. Voilà, c'est ça. Vous n'avez aucune raison de rester inactif et de ne pas utiliser votre énergie dans un programme de fitness. Moi, je sais pas comment ils font. Ouais, moi non plus. Tiens. Les Vierges. Une balade à la campagne avec votre partenaire vous serait bénéfique. Mm-hmm. Les balances. Parfois, ça aide de se retenir au lieu de provoquer une dispute avec votre partenaire. Les scorpions. Vous deviez vous préoccuper un peu plus de votre alimentation. Les sagittaires. Ne vous cassez pas la tête sur les problèmes de demain. Vous aurez bien le temps demain. Les capricornes. Tout va pour le mieux et professionnellement parlant, tous vos vœux vont être exaucés. Ça va être magnifique. Les verseaux. Faites des économies, vous allez en avoir besoin. Et oui, enfin pour terminer, les poissons. Mettez de l'ordre sur votre bureau. Il y a peut-être des cadavres qui traînent. On sait jamais, ouais. Dans un instant, la réponse à la petite énigme qui colle. Il est le point de départ, sans mener nulle part. Terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé. La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message et pas mal de cadeaux high-tech, notamment à gagner, y compris des places pour le parc Astérix. Si vous avez la bonne réponse, on peut donner un indice. Ça peut... La réponse est en chiffres ou en lettres, tout simplement. Et alors, c'est un peu comme Coca, Fanta, Sprite, Iced Tea, par exemple. Même Schweppes, ça existe aussi, d'ailleurs. Same taste, no sugar. Voilà, si vous avez la bonne réponse, allez-y. On parlera des ch'tis dans un instant et on va avant tout écouter Shanna Paul avec Alexis Jordan. C'est Got to Love You sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. C'est pour ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Got to love you. Le son de Sean Paul à l'instant, c'était Got to Love You sur Fun Radio avec Alexis Jordan. Il est 9h25. On va parler des ch'tis dans un instant. Mais avant cela, nous avons Benoît qui est avec nous pour la réponse à la devinette qui colle. Benoît de Charleroi. Salut Ben. Bonjour. Comment ça va, Benoît? Ça va très bien, très bien. Bon, Benoît, dis-moi, rassure-moi, t'as pas essayé de prendre le bus aujourd'hui, la tech là, qui est en grêve à Charleroi? Non, il y en a pas. Non, il y a pas de bus. Bah, c'est ça, c'est dommage. Ah oui, c'est malheureux, hein, tous les gens. Il y a Mirko qui nous avait d'ailleurs, rencardé sur l'info, en tout premier d'ailleurs. Merci à lui en tout cas. Merci à l'auditeur qui était sur place, sur les lieux, sur le terrain. Exactement, c'est ça, on aurait dû l'appeler, informé. Ah ouais, l'envoyé spécial. Et donc en fait, il a dit ouais, super, pas court, merci à vous. Oui, après, il était très content. Ah ouais, lui, c'était une bonne nouvelle. Hein. J'aime bien le merci. À vous, t'es genre, on est responsable de la grève. Non, Dieu merci, enfin quoi qu'on sait jamais. Bon, Benoît, tu as la réponse à la devinette qui colle, donc il est le point de départ, sans mener nulle part, terreur de l'écolier, surtout s'il est pointé, qui est-il ? Le zéro. Exactement, le zéro pointé en l'occurrence, hein, tout à fait, des points de départ c'est zéro, Coca, Fanta, Sprite, zéro par exemple. Voilà pour la réponse aux indices, et zéro on peut l'écrire avec un zéro tout simplement en chiffres ou en lettres évidemment, Z-E-R-O, voilà. Oui. Et ben bravo Benoît, tu pars avec les cadeaux. Merci à vous. Mais je t'en prie Benoît, il n'y a pas de problème, tu reviens quand tu veux, tu vas gérer au standard les cadeaux dispo, l'appareil photo numérique Samsung, les micros, la micro Shanifi Philips, il y a aussi la télé LCD, il y a aussi les places pour Astérix, bref, plein de trucs, tu gères ça au standard, d'accord? Ok, bien, merci, bonne journée à vous. Salut à toi, salut Benoît, à toi. Bientôt. Salut, salut. Bon, ben, voilà, une bonne nouvelle, tiens. Quelqu'un qui part heureux, ça fait plaisir, ça. Bah, 9h26 sur Fun Radio. Et matin, nous allons... Mais oui, exactement, en tout cas, on essaye. Nous allons maintenant, donc, essayer de... Oui. Parler ch'ti. Ah, alors faut s'accrocher. Hein. On va essayer. Non, je dis ça parce que ce matin, j'ai encore, évidemment, du lourd, du très, très lourd au niveau des ch'tis à Ibiza. C'est magnifique. Exceptionnel. Et oui, même lui, il est content d'ailleurs. Et oui, les ch'tis ont encore une fois frappé, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour aller plus loin que ça. Alors écoutez, c'est surtout à la fin du son que ça se passe. Hein. Chris nous réveille, tout le monde a la tête un peu dans les godasses. Chris était vachement motivé pour sa femme, pour sa bague. Je voulais partager mon joie de bonheur et de l'amour avec eux. Voilà, je l'ai partagé, mon joie. Exactement. Pensez aux visiteurs. J'ai partagé mon joie. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, sa joie, c'est ça, en fait? Oui, il voulait dire qu'il était vraiment heureux. Oui, il était happy. Très content, mais que la langue française n'est pas son truc. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans les ch'tis à Ibiza, donc, il va y avoir un mariage entre Christopher et Kelly. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Christopher? Kelly. Voilà. Bon, si vous ne vous souvenez pas de Christopher, eh bien, Christopher, c'est lui. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans, et je vais le Tourcoing. Oui, je vais le Tourcoing, coin. Oh, le mec, il a dû réfléchir ça toute sa vie. Bah, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'était bien, bien naze. Et donc, comme il va se marier, bah, forcément, Christopher, il a dû, coin, choisir un témoin. Ah, bah oui, important, très important le choix du témoin. Mûre réflexion, un rôle important à tenir. Et écoutez. Tu veux bien être mon témoin ou quoi, vite fait, quoi? Ouais. J'ai choisi de toute façon comme témoin parce que notre amour d'amitié, il est vraiment fort. Ouais, ouais, c'est ça. Tu veux monter moi vite fait. Oui, d'accord. Et après, oui, j'ai choisi Vincent parce que notre amour d'amitié, il est vraiment. Vite fait, sans monter moi. Il est vraiment fort, tu vois. Ça va, c'est comme mariage, Baltringue. Ouais. D'accord. Et comme les ch'tis ne font jamais rien comme les autres, le prêtre au mariage est lui aussi un petit peu spécial. Écoutez. Avant de terminer la cérémonie, je voudrais chanter une bénédiction de la bienvenue des Indiens Yaki. C'était bien à Ibiza, c'est ça? Oui, c'était à Ibiza. Et vous avez remarqué une bénédiction za la bienvenue. Oui. Oui, za la bienvenue. C'est exactement ça. On sait tous que Ibiza a été envahi par les Indiens. Mais bien sûr. En 1626, c'est bien connu. Évidemment, c'était une autorité publique. Évidemment. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, sachez que demandez votre prof d'histoire. Vous dites que vous avez entendu ça à la radio dans les ch'tis à Ibiza et il y a un moment, faut le savoir. Il faut que ça se sache. Il faut dire la vérité aux gens. Exactement. Bon, allez, dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer pour le self, comme chaque matin, 9h30, 13h, c'est vous qui faites la prog avec lui. Pour ce faire, c'est facile, petit SMS au 3044 en débutant le message par self, ou alors gratuitement sur son mail, c'est lucas@funradio.be. Il y aura aussi Jasmine pour Pure Dance Floor, ça c'est à partir de 13h sur Fun Radio. Ensuite, Evan et la tribu avec Sandra qui sera dedans, et Sébastien Bennett aussi comme invité entre 17h et 20h. Le colonel Rayel sera d'ailleurs l'invité d'Evan, ce sera demain soir entre 17h et 20h. Et puis loupez pas aussi la libre antenne, le retour de la libre antenne avec Vince et toute l'équipe à partir de 20h. Voilà, comme ça vous savez tout. Moi je m'en vais de ce pas faire un peu de vélo. Ah oui, il va pédaler sur son fidèle estrier. Des preuves s'il te plaît. Mais j'ai des preuves là, à chaque fois je fais le traçage. Oui c'est ça, enfin bon, n'importe quoi. On veut des GPS. Photos, comme des ça, vidéos. Tu peux le faire en voiture. Oui c'est ça, n'importe quoi. Mais ça ne prouve rien. Non, ça prouve rien. Des débilos quoi. Mais attends, il montre la vitesse moyenne, il montre la vitesse maxi, la vitesse minimum. 3 km/h sur ta bagnole. Bah tiens, je vais prendre ma voiture, je vais là du 3 km/h. Ouais, bah écoute, tout est possible. Je vais m'éclater là. Pour nous faire croire des choses, tout est possible. C'est ça, ouais. Mais vous n'avez pas confiance en moi et je suis très déçu. Oui. C'est dommage. On attend le résultat et on ne voit toujours rien sur ton corps. Ouais, mais rassurez-vous. Avant d'aller faire un peu de vélo, je vais quand même d'abord aller manger un petit Suisse. Au Quick. Oui. C'est bien, un balance des marques. Bonne idée ça. Bah, j'ai rien à foutre moi. Ah oui, donc t'as un sponsor en Quick, fait. Quick, McDo, Pizza. Ah, ils te sponsorisent. Non, et moi j'ai peur de rien moi. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas des réductions? T'as vu, Julie, la peur. Mais si, on a tous reçu une carte. Si, on a reçu. Ah, salaud. Hein, non, j'ai pas de carte. 10%. Mais bah, viens, tu sais quoi, demande. Non, mais viens, je vais te la donner. Ouais. Je vais te la donner. Ah oui, donne-la moi. Voilà. Allez, on se retrouve. Bah, je l'ai pas là sous la main, il faut venir dans mon bureau. Ouais, bien sûr. Pourquoi veut-il m'emmener dans son bureau? À partir de sa mère. Salut tout le monde, dans un instant. C'est Peter Lutz qui arrive dans le self, ce sera le premier titre. Avec Lynn LaRouge, c'est Hands Up sur Fun Radio. À demain tout le monde, et c'est Lucas qui prend le relais jusqu'à 13h. Ciao. Il vous manque déjà? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.